Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Bienvenue à Sortie culturelle en direct du Sacrilège. Jessica Leb avec vous pour vous accompagner de 15h30 à 17h30. Je vous le rappelle, pendant toute la durée du Festival d'été de Québec, on est ici, assis dans la verrière du Sacrilège et on reçoit les artistes en programmation. Alors aujourd'hui, au menu, on recevra Men I Trust, DJ Shieldy, Fudge, Casual Rights, Da Cruz, Morpheus Arms et évidemment notre bande de chroniqueurs qui sont sortis déjà depuis le début du festival, mais qui hier soir étaient encore en train de courir partout au festival à travers les différentes scènes. Et pour vous en parler aujourd'hui, je pense qu'on passera pas du tout à côté de Neil Young puisque la majorité devait être sur les plaines. Et on vous dira aussi qu'est-ce qu'on va voir ce soir avec des suggestions et même des choses qu'on va pas voir, qu'on vous recommande, parce que malheureusement on ne peut pas encore se quadruplé pour tout voir. Et pour commencer, un duo qui était déjà en spectacle hier soir, mais écoutez, ils ont joué deux fois plutôt qu'une, alors ça valait la peine quand même de les faire venir aujourd'hui pour nous parler de leur expérience. Le projet est Funk et le duo en fait s'appelle Voyage Funktastic. Pour vous en parler, ils sont directement avec nous, Wallapi et Dr Mad. Bonjour à tous les deux. Bonjour, salut. Ça va bien? Ça va bien, vous? Très bien, merci. Vous n'avez pas l'air très fatigué pour une formation qui a joué hier à quoi, 22h30 et minuit 45? On est rendu habitué, c'est la gym. Ça fait partie de votre routine. Ouais. Vient de se réveiller, c'est normal. Mais racontez-moi, dans les deux cas, c'était à l'Imperial Bell. Est-ce qu'il y avait une différence entre les deux prestations? Non, c'était... Il y avait un groupe qui jouait entre les deux, Forest Boys. Et on réchauffait un peu la salle avant. Et après ça, on fermait la salle, si on pourrait dire ça après. Ouais. Il fallait bien réchauffer parce que je ne sais pas si vous avez vu Forest Boys après vous, mais la foule est déchaînée à chaque fois qu'il passe. Ouais, ça a été chaud. Le cas hier. Ouais. Le bateau sur la foule, c'était body surfing, boat surfing. C'était assez impressionnant. Je n'ai jamais vu ça avant. Du bateau surfing, raconte-moi. Ouais, mais ils avaient une espèce de bateau gonflable qui voguait sur la foule. C'était assez... Je jalousais presque le mec. Oui, artistes. Okay. Après, il est tombé sur le bassiste. C'était assez fou. C'était ma partie préférée en fait. J'imagine, ouais. C'est assez marquant quand même. On n'a pas encore trouvé le ballon de basket non plus. D'accord. Ouais. Et vous, quand vous arrivez après ça, là, les gens sont déchaînés, ils sont encore sur une adrénaline très très haute. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre mandat à minuit 45? C'est de faire le mieux qu'on peut, si on pourrait dire. De garder le groove. Ouais. En fait, je pense pas que certains nous connaissaient, d'autres nous connaissaient pas. Et puis, c'est la beauté de la chose, c'est qu'on a une ambiance, puis on essaie d'y contribuer, d'y participer. Mm-hmm. Et avec des sons funky des années 80, des sons plus actuels, c'est sûr. D'où vous vient cette passion pour l'époque du funk des années 80? Là, c'est ton tour ou c'est moi qui commence? Vas-y. Ah, c'est là. Il sert les bières. Moi, ça vient de deux sources principales, la G-Funk, qui était un peu mon introduction dans le hip-hop. Donc, c'est les albums de Snoop Dogg, Dr. Dre, mais tout un pan entier, en fait, d'artistes de la côte ouest qui réutilisaient, réinterprétaient beaucoup les sons des années 80. Et c'est aussi la musique sur laquelle ma mère a grandi, ou plutôt sur laquelle elle a dansé. Donc, elle m'a un peu éduqué aussi par rapport à ça. Et puis, c'est un espèce de mouvement de renaissance, on va dire, de cette scène, de cette musique, depuis, on va dire maintenant quoi, 5, 6, 7 ans. Et ça nous plaît bien. Mm-hmm. Et pour Wallapi? Pour moi, c'est un petit peu plus à cause de la danse. Je faisais du breakdance il y a environ 20 ans, environ. Et c'est vraiment la danse, on pourrait dire. Ouais. Qui t'a amené vers le funk des années 80. Il paraît que vous vous êtes fait connaître lors de soirées au Blurry Bar à Vinyl à Montréal. Yes. Qui c'est n'existe exact. Plus aujourd'hui d'ailleurs. Ouais, le défunt Blurry, oui. Racontez-nous, c'était quoi comme genre de soirée? C'était quand même assez... Premièrement, c'était très chaud. Il faisait très chaud. Même l'hiver? Ouais, l'hiver et l'été. Ah ouais. C'est un bar avec peut-être un des meilleurs sound systems à Montréal et avec une programmation très, très pointue, que ce soit disco, house, funk, hip-hop. Et on a une résidence là-bas pendant 4 ans environ. Quand même. Et c'était très, très, très, très achalandé. Il y avait toujours des line-up dehors de 100, 150 personnes qui ne pouvaient pas rentrer. Les gens se pointaient genre à 10h30, 11h pour s'assurer de pouvoir rentrer. Et maintenant, c'est rendu sous un autre nom. Et nous, on a déménagé. On est rendu sur la Plaza Saint-Hubert au Os Gang, qui était avant le Art Gang. Je ne vais pas te voler des questions non plus. Non, tu peux continuer. Et ouais, c'est ça. C'était vraiment un esprit très familial. Les gens étaient là pour découvrir la musique. On jouait beaucoup de trucs brésiliens, japonais, parce que la funk c'est universel aussi. Mm-hmm. Alors, ouais, c'est sans limite de culture, à ce exactement, que je vois. Ouais. C'est ça qui est intéressant aussi. À Montréal, on voit ça s'installer très naturellement. C'est très typique aussi des grandes métropoles, ouais, d'avoir ce genre de soirée. On cite des références dans votre présentation sur le site du Festival d'été de Québec, comme les rendez-vous Funkmosphère, je le dis à la française, hein, à Los Angeles. Ouais. Sweater Funk à San Francisco. C'est vrai qu'à Québec, qui est plus petit, on aurait du mal à imaginer ce rendez-vous-là. Est-ce que vous connaissez une communauté d'artistes qui pourrait lancer ça? Est-ce que vous avez déjà mis Québec dans votre radar? Je pense qu'on a fait le lancement d'À la Claire ensemble, le dernier album, Les Frères Cueilleurs, et ils nous avaient accueillis à leur lancement au Cercle. C'était en 2017? Oui. 2017. Et même celui de Montréal, le lancement montréalais. Et je pense que ça a été une bonne introduction pour la scène ici à Québec, de toucher un peu à la funk. Puis il y a aussi beaucoup de danseurs, il y a une scène, une communauté de danseurs qui s'est rapportée à nous. Certains ont même déménagé à Montréal, on en a revu certains hier soir. Je pense que c'est ça les germes en fait qui font prospérer une scène. Et il y a aussi, il ne faut pas oublier le duo Funk Connection qui font des trucs à Québec, qui poussent beaucoup ce style de musique. Et bon, des endroits comme avant le sous-sol du Cercle, ou la cuisine aussi, je sais qu'ils font souvent des soirées un peu funky, disco, mm-hmm, là-bas. Alors, tu sais, la funk, la disco, ça se rapproche un peu beaucoup. Alors, faudrait pas oublier ces gens-là. Et André Errant, celui qui s'occupait de la programmation aussi. Un autre artisan ici. David Quentin aussi, un autre que je connais, qui font des trucs ici comme ça, mm-hmm, ouais. Le tout, c'est de connaître ces endroits où ça se passe. Exact. Ken Lo aussi, bien sûr, d'À la Claire, qui joue beaucoup ce genre de musique aussi. Mm-hmm. À sa propre sauce, bien sûr, mais ouais. SoundCloud aussi est une belle plateforme pour vous, pour diffuser votre musique. Je vois plus de choses sorties là-dessus que, par exemple, sur Spotify, où on ne vous trouve pas. Pourquoi favoriser cette plateforme-là? Premièrement aussi, la plateforme SoundCloud, comparatif avec Spotify, c'est que tu peux mettre toutes tes émissions de radio. Alors, on a 165 émissions de radio. Tu peux pas les mettre sur Spotify encore. Ouais. Mm-hmm. Alors, déjà là, on maximise sur ça. Et après ça, on préférait utiliser Bandcamp à la base. Et maintenant, il faut mettre ça sur Spotify. À présent, si on pourrait dire. Il faut utiliser le plus de plateformes possibles pour augmenter la visibilité, si on pourrait dire ça comme ça. Et il y a quand même justement un gros public qui vous suit là-dessus. Je vois quand même beaucoup d'écoutes. Ça voyage bien aussi. Là, on sort des frontières du Québec avec une émission de radio comme celle-ci. Parce que c'est plus niché, mine de rien, comme style de musique. Bien sûr. Non, c'est une scène internationale, en fait. Mm. Même si elle reste à quelques égards « underground », les acteurs de la scène en Allemagne, en France, en Australie, aux États-Unis, on se connaît un peu à travers l'internet dès le départ. Vous arrivez à créer des liens, des collaborations aussi grâce à ça. Puis on a voyagé à quelques reprises. Lui, il revient. Ben vas-y, je te laisse en parler en fait. Je reviens de tournée, mais là, je repars en tournée. Ça sera ma cinquième en Europe. Je reviens du Mexique il y a 3 semaines. Le Boiler Room qu'on a fait ensemble a beaucoup aidé. On est allé aussi en Europe il y a 4 ans, deux fois. Alors, La scène au Brésil aussi. M'a dit, Sao Paulo. C'est grâce au web, Brésil, selon vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Je dirais que la radio est vraiment la locomotive de la plateforme. Ouais. Après ça, bien sûr, les soirées, ça c'est plus local. Les gens ne connaissent pas les soirées à l'international, pas encore. Ou certains, oui, la connaissent, mais vraiment la locomotive de la plateforme au complet, c'est vraiment la radio. N'a jamais sous-estimé la radio. N'est-ce pas, hein, ouais, tant qu'on se le dise. On va écouter un extrait de ce que vous pouvez nous proposer sur enregistrement. Vous m'avez envoyé Maybe It's Time, oui, par exemple. C'est une production de Dr. Mad. Ouais. Alors, je te laisse nous en parler. En fait, c'est le label new-yorkais Bastard Jazz qui nous a offert l'opportunité de presser notre premier 45 tours. Ils savaient qu'on était en contact avec beaucoup d'artistes dans ce style-là. Et moi, je me suis dit, on pourrait prendre cette occasion pour rassembler des musiciens de la scène montréalaise, notamment qui participent à la soirée Urban Science, le Cypher, qui est très populaire à Montréal. Et j'ai décidé de produire ce son-là avec 3-4 musiciens, l'ingénieur Paul Carniello, chez qui on a enregistré. Mm-hmm. Et ça a donné ce titre-là. Et en plus, il y a un featuring de L.A.J. Qui était de passage à Montréal pendant, je crois, 2-3 ans. Bon, il faut le dire, c'est le frère de Jay Dilla, bon, tout le monde le dit, mais quand même qui a une carrière assez qui prospère assez bien en ce moment. Et donc c'était un honneur de marquer cette époque avec tous ces musiciens, cet artiste en particulier, et aussi Fauna, qui était une proche collaboratrice de L.A.J. Et ça a donné ce que ça a donné. Et de l'autre côté, c'est Boss Crates, c'est la face A du disque, un artiste qu'on adore d'Atlanta. Voilà. De belles collaborations alors, toujours, à entendre sur... C'est beaucoup de gens quand on y pense derrière un seul disque. Oui, c'est pas juste vous en fait, exactement. Le duo, la Voyage Fantastique. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. C'était un plaisir. Docteur Matt, si vous les avez vus hier soir, j'espère que vous avez passé un bon moment. Sinon, écoutons pour découvrir Voyage Fantastique avec Maybe It's Time. Yeah. The second I open up my eyes, I see how much I vandalized. The beautiful world that wasn't mine. Now I'm coping with the stress in my mind. Wanna make it disappear. God is love and what is fear. Starting to notice that it's all in my head. Sometimes I overanalyze every idea that I design. Now that I've spoken, my shoulders feel light. Now I can spread my wings and fly, 'cause I finally realize that time is illusions in our mind. So you find peace of mind. Think about the future, but you're still right here in the moment. Run from the past. Think about the future, but you're still right here in the moment. Run from the past. Think about the future, but you're still right here in the moment. Run from the past. Think about the future, but you're still right here. It's a moment that I can't find. Of time, I know it's real. So good that I can feel. I know that it's showing. You know where it's true. I've been longing day and night. Baby, you've had no peace of mind. Tell me a story, and I'll tell mine. But the past is sitting still. I know I've had more than my fill. Maybe it's time to walk away. Don't wanna ask me where I've been. There's so many ways I've come to realize that time. From the past, think about the future, but you're still right here in the moment. Run from the past, think about the future, but you're still right here in the moment. Run from the past, think about the future, but you're still right here in the moment. Run from the past, think about the future, but you're still right here. run from past, think about the future, but you're still right here in the moment. Run from past, think about the future, but you're still right here in the moment. Run from past, think about the future, but you're still right here in the moment. Run from past, think about the future, but you're still right here. Hey. On vient d'entendre Voyage Funktastique avec Maybe It's Time à CKRL 89.1. Ils étaient déjà en spectacle hier au Festival d'été de Québec, c'était à l'Impérial Bell. Ils ont joué à 22h30 puis à minuit 45. Mais on a quand même profité de les attraper au vol pour connaître mieux leur univers funk. On passe dans une autre ambiance avec un groupe qui jouera ce soir, cette fois 23h30, aussi à l'Impérial Bell. Men I Trust est de retour à Québec après des tournées qui n'en finissent plus à l'international. Pour nous en parler, je suis avec Dragoche et Emma. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, merci de nous savoir. Ça fait plaisir. On est content de vous avoir ici. Quand on fait des petites recherches sur vous très récentes, un article très élogieux du Journal de Québec qui s'intitule « 9 preuves que ce band de Québec est big, lettre majuscule, ailleurs dans le monde ». Qu'est-ce que ça vous fait de voir ça? On va passer les raisons en revue là, mais... C'est quand c'est même flatteur, quelque chose. C'est vraiment flatteur. Gentil. Merci beaucoup. Ouais, on apprécie beaucoup. Merci. C'est très gentil. Ouais. Alors, la première raison, c'est peut-être celle qui est la plus connue quand on parle de vous, c'est qu'en effet, vous êtes un groupe de Québec et vos chansons ont été écoutées plusieurs millions de fois sur Spotify. Puis c'est pas juste une chanson, hein, ça arrive aussi. Un artiste sort une chanson, puis celle-là se démarque. Mais vous, ça, j'allais dire, c'est la routine ou presque. Ça va bien, ouais. Ça va c'est bien. Vraiment dans la dernière année que. Que toutes nos dernières chansons ont eu beaucoup, beaucoup d'écoute. C'est vraiment un coup de chance en Spotify. On ne sait jamais trop qu'est-ce qui va se passer avec ça. On ne sait pas où ça va aller. Ça va peut-être descendre, ça va peut-être monter. C'est beaucoup une plateforme de playlist. Mais l'année était bonne pour nous. Fait qu'on est très, très, très chanceux d'avoir beaucoup de gens qui nous écoutent. Ouais. Ouais, pour des Québécois, là, c'est très... je sais qu'on est très privilégiés. Ouais. Tu parlais des playlists, c'est les playlists que Spotify fait pour mettre en valeur un thème, un registre musical. Oui. Puis souvent, quand les artistes sont choisis avec une chanson pour apparaître dans cette playlist, ben oui, on voit un boom de clics, d'écoutes, parce que les gens tombent par hasard sur votre chanson juste parce qu'ils aiment ce style de musique. Donc c'est ce qui vous aurait beaucoup aidé pour Men I Trust? C'est le corps des écoutes viennent des playlists, mais la plupart, c'est vraiment à même le profil ou les playlists que les utilisateurs se font eux-mêmes. Donc, c'est comme, c'est choisi, là, c'est, les gens nous recherchent. Ouais. On est chanceux, on a beaucoup d'auditeurs qui sont fidèles, donc ils vont chercher carrément le ben pour l'écouter. Ouais. Et qui s'abonne, on peut aussi s'abonner à un artiste, puis dès que l'artiste sort une nouvelle chanson, on reçoit une alerte courriel ou une notification. Donc c'est sûr que ça fidélise une certaine communauté. Pourtant, votre dernier album, Headroom, est sorti en 2015. Depuis, vous misez plus sur des sorties de chansons, singles. Est-ce que c'est quoi, vous sentez la demande du public? Oui, puis c'était calculé parce qu'on avait, on était beaucoup moins connus que maintenant. En fait, je dirais pas du tout. Mm-hmm. Puis on avait un rythme de sortie assez rapide. Donc là, on s'est rencontrés puis on s'est dit on va ralentir puis on va prendre notre temps pour sortir des singles. Pour qu'à chaque single, en fait, on s'applique à avoir à grandir notre fanbase. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. On a très hâte de sortir un album, mais ça a vraiment été un ralentissement calculé pour pouvoir, au prochain album qu'on sort, avoir vraiment des gens qui l'attendent, en fait, pour que ça vaille la peine. Parce que avec Internet et tout ça, l'album, des fois, c'est tellement d'efforts, mais c'est une sortie. Donc, je pense que ça se compte en nombre de sorties. Quand tu as un album, c'est comme sortir une chanson ou presque. Donc... Nous, on a sorti des chansons, puis ça nous a vraiment rendu service. Ouais. Est-ce que vous pensez miser un peu plus là-dessus, sur la continuité? Là, on a vraiment hâte de sortir un album parce qu'on a rempli notre mandat de sortir des singles. Puis on entame la création d'un long jeu. Là. On pense faire un album d'ici la fin de l'hiver, là, un 20 chansons et plus. Là. On est même, c'est généreux pour une sortie d'album. Il faut parce qu'on a fait beaucoup de singles. Fait, je pense qu'il faut que ça soit proportionnel. Donc les singles vont se retrouver sur l'album. Oui, plus l'équivalent d'un nouvel album complet, là, de chansons inédites. Est-ce que vous sentez, oui, vous faites connaître sur le web, les gens vous écoutent, mais c'est ce qui aide aussi à faire venir les gens en spectacle quand vous faites des tournées internationales, autant en Europe, aux États-Unis, parce que parfois, on consomme de la musique en ligne, mais de là à se déplacer, payer le spectacle, parce que la musique est gratuite, hein, ou presque, sur Spotify. Est-ce que vous sentez quand même que ça a un lien ou pas? Pas nécessairement, je pense. Je pense que pour la plupart du monde, ça n'a pas un gros impact. Le lien vraiment entre le nombre d'écoutes et le nombre de gens qui viennent. Nous, on est quand même vraiment chanceux parce que les gens sont quand même engagés, genre dans le sens qu'ils vont chercher les lyrics, ils les connaissent, ils les chantent au spectacle. Les gens viennent au spectacle parce qu'ils nous suivent sur nos réseaux sociaux, tout ça. Mais moi, personnellement, je doute vraiment qu'il y ait un lien vraiment significatif entre le nombre d'écoutes et le nombre de gens que tu es capable d'amener dans un spectacle. Mm-hmm. C'est très différent pour moi. On a la chance d'avoir un fanbase qui est vraiment niche et qui est super engagé, donc... Si on avait juste une plateforme de streaming comme Spotify, on serait pas capable de mesurer notre succès dans la réalité. Ouais. Mais les fans sont là sur Bandcamp, les fans sont là sur YouTube, sont un peu partout. Puis parce que ces vidéoclips marchent autant aussi. C'est hein? ça, c'est une clientèle niche qui est vraiment investie. Donc je pense que c'est ça, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on a une réponse satisfaisante dans la vraie vie. Ouais. On est vraiment, vraiment chanceux d'avoir des gens qui se déplacent à nos spectacles. On sait que les temps sont pas faciles pour n'importe qui fait de la musique live. Fait que déjà de remplir des petites salles avec des gens qui connaissent les chansons, c'est vraiment un gros cadeau pour nous. Et t'en parles, Emma, les gens qui connaissent les chansons, ça te surprend encore malgré cet engouement d'écoute? Dans l'article, il y a une vidéo de moi. De toi à Brooklyn, où on te voit très ému quand les spectateurs entonnent les paroles de la chanson « I hope to be around ». Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était la première fois qu'on était à New York. On n'était jamais allé, puis on a fait deux soirs à guichet fermé. Puis ce soir-là, j'étais pas sûre de vouloir faire la chanson, tu sais, je la sentais pas. Fait que là, finalement, les gars ils me disaient « Come on, Emma, là, mets-la dans le set ». Puis au moment de faire la chanson, j'entendais plus ma voix, j'entendais juste les gens chanter le refrain. Puis de voir tous ces gens-là tellement contents de voir la chanson que moi, pour moi, était, tu sais, ce soir-là, il était pas dans mes priorités, ça m'a touchée. Donc voilà. Un drôle de signe, effectivement, pour cette chanson ce soir-là. Pourtant, elle n'a été écoutée que 859 000 fois. Oui, c'est notre moins... c'est notre moins star cette année. Comparé à Taylor Swift, par exemple, c'est plus de 5 millions de fois. Mais c'est ça, je pense que c'est la preuve que les gens qui se déplacent en spectacle, c'est ces 800 000-là, c'est les gens qui sont vraiment investis puis qui sont abonnés à Midnight Trust, tandis que Taylor Swift, elle, je pense que ça doit être aussi une star de playlist et des gens plus ou moins loin, etc. Mm-hmm. Mais c'est ça. Elle aura 1 million dans 2 ou 3 mois. Vu comme c'est parti. Vous chantez en anglais et pourtant vos tournées débordent aussi dans des pays qui ne sont pas anglophones. Vous vous envolez pour l'Égypte très bientôt? Oui. Mm-hmm. C'est drôle ça, l'Égypte. Ça nous a vraiment surpris. C'est dans quel contexte? Un festival? C'est un festival fermé, je pense, dans un complexe hôtelier là-bas. Puis il organise un festival avec plusieurs artistes internationaux, égyptiens aussi, j'imagine. Et voilà. Donc, on s'en va à l'aventure, on sait pas qu'est-ce qui va se passer, mais on a vraiment hâte. Oui, ça te fait. C'est vraiment cool parce qu'on serait pas allé en Égypte cette année, je pense. Non. Est-ce que vous vous sentez ambassadeur de Québec, du Québec, quand vous allez à l'international comme ça? Oui, toujours, parce qu'on adore la maison, on est très québécois, on est très canadien, on est tout ça en même temps. Un soir sur deux, tu sais, mon anglais flanche parce que je suis une francophone, puis tu sais, je pense que c'est toujours dans notre manière de communiquer, puis notre manière d'être, ça transparaît toujours, puis c'est vraiment une fierté qu'on traîne avec nous, là. Donc oui, je dirais oui. Dragoche? Oui, quand on l'est... Malgré nous, là, en fait, c'est pas le choix, je pense. Tout le monde est ambassadeur d'où il vient. Juste par défaut, je pense. Dès que t'es sur un stage. On est très contents d'être au Québec. Puis d'être venu à la maison ce soir. Oui, c'est vraiment cool. Maison. Mais qu'est-ce que représente le Festival d'été de Québec pour vous ce soir? C'est pas la première fois? Non, c'est la deuxième je pense. Fois, Mais on est venu en masse en tant que spectateur. Puis on l'a vécu plusieurs fois, le fait que... Là, Ouais, c'est une super belle organisation, grosse organisation. C'est toujours un honneur de se faire inviter. Ouais. Non, c'est immense. Peu importe qu'on soit locaux ou pas, là. Non, c'est vraiment toujours un cadeau de faire le festival. On est curieux ce soir. C'est rare qu'on a toujours fait des scènes extérieures. Là, on est à guichet. On est à l'Impérial ce soir, donc scène intérieure. C'est plus notre style de salle. Ouais. On a vraiment hâte. On espère qu'il va y avoir du monde. L'acoustique est super bonne. Ouais, c'est 11h30, hein, s'il y a des gens qui écoutent ce soir à l'Impérial. Ouais. Et quelle ambiance vous nous préparez pour ce soir? Pour les gens qui hésitent à tenir jusqu'à 23h30, un samedi soir pour venir vous voir. C'est pas trop fort, c'est pas désagréable. Ça groove, c'est tranquille, c'est doux, c'est le fun. Je pense que c'est ça. C'est ça. Ouais. Vous avez l'air calme avant ce moment-là. Hein? C'est, ouais, c'est tranquille. Mais on vient d'un mois aux États-Unis à faire un spectacle chaque jour. Fait que là, on est comme... On est en mode on est un peu plus détendu qu'avant. Détente obligée, parce que sinon... Aussi, ouais. Mais je vous souhaite un très beau spectacle ce soir. Merci beaucoup. Men I Trust, on le rappelle, 23h30 à l'Impérial Bell. On écoute justement l'un de vos derniers extraits. Voici Tail Whip. Merci. Cultural journey. Excursión cultural. Gita culturale. Production Rhizome et Arcam sur Loire présente Les explorateurs comme des estuaires Nantes-Québec. Sémaphore & Co, spécialiste en archéologie sonore, s'installe à la Marina Saint-Roch du 11 au 14 juillet. Venez y découvrir les secrets d'Alcide Lachance et Charlotte Sémaphore, explorateurs du 19e siècle. Chantier de fouilles exceptionnellement ouvert au public. Suivez l'aventure sur les-explorateurs.net. Le vieux Limoilou s'est refait une beauté juste à temps pour l'été. Venez rencontrer vos commerçants de la 3e avenue. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Le Spot, c'est un lieu de rassemblement et d'activités extérieures gratuites. Tout l'été, rendez-vous au parvis de l'église Saint-Charles de Limoilou. Au programme, activités familiales, yoga, spectacle, soirées thématiques ou pourquoi pas, une partie de mini-pot. Le Spot, un sympathique parvis ouvert à tous. Programmation au facebook.com/spotqc et sur monlimoilou.com. Ici Jessica Leb. Du 5 au 15 juillet, je vous donne rendez-vous au Sacrilège pour l'émission Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec. De 15h30 à 17h30, je recevrai les artistes du festival en entrevue et mon équipe de chroniqueurs vous livrera ses suggestions et critiques de spectacle. Que le spectacle continue. Sorties culturelles, c'est votre rendez-vous avec les artistes du Festival d'été de Québec. Présentement à l'affiche au cinéma Le Clap. Ant-Man et la Guêpe 3D. Ciao Ciao. La comédie française présente Britannicus en reprise. Hôtel Transylvanie 3, les vacances d'été. Itzhak, Je vais mieux. Plongée. Le retour du héros. Et la vie en Grace Jones. Rendez-vous sur leclap.ca et retrouvez l'essentiel de la programmation et plus encore. Le Vieux Limoilou s'est refait une beauté juste à temps pour l'été. Venez rencontrer vos commerçants de la 3e avenue. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturelle. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. On est en direct du bar Le Sacrilège pour Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec. Je vous le rappelle, jusqu'au 15 juillet, inclusivement tous les jours de 15h30 à 17h30. On vous fait vivre le Festival d'été de Québec avec les artistes en programmation. Et côté musique électronique aussi, belle programmation au District Saint-Joseph ce soir à 23h30. C'est une DJ que vous allez pouvoir entendre. DJ Sheldy est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui. Et je dis une, excuse-moi d'insister, mais c'est vrai que c'est rare les femmes dans ce milieu. Oui, c'est vrai, ça fait changement. Je suis la seule DJ aussi dans la programmation. Je pense qu'on est 5 DJ locaux à jouer au district, puis je suis la seule fille. Qu'est-ce que toi t'as donné envie de te lancer en tant que DJ? Pardon? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer en tant que DJ? Moi, j'ai toujours écouté de la musique électronique. En fait, c'est ma mère qui en écoutait quand j'étais jeune. On écoutait ça dans l'auto, ça me faisait danser. Puis quand j'ai commencé à sortir dans les bars, j'ai vu plusieurs DJ. Il y avait une DJ en particulier, c'est Malice in Wonderland. De voir une fille pour la première fois derrière des tables tournantes comme ça, ça m'avait beaucoup inspirée. D'ailleurs, c'était une de mes bonnes amies, Malice. C'était à Québec? Oui, c'était à Québec. C'est des soirées électroniques. C'est comme ça que ça m'a vraiment donné envie de commencer à mixer. Il y a 5 ans, j'ai acheté mes premières tables, mes premières consoles. J'ai pris un petit cours, puis j'ai pratiqué beaucoup, beaucoup chez moi. Puis ensuite de ça, c'est en faisant des concours de DJ là, que j'ai obtenu mes premiers gigs, qu'on appelle. Des concours de DJ, c'est la première fois, je pense, que j'en entends parler. C'est normal que ça existe, mais ça consiste en quoi? C'est souvent les événements, ils font ça, c'est pour faire découvrir des nouveaux DJ de la relève. Moi, le premier, c'était pour un party d'Halloween qui s'appelait le Bal Masqué. Ils publient ça sur Facebook, envoyez-nous un démo, celui-là qu'on aime le plus, il va gagner, il va pouvoir mixer une heure, là, la première partie de l'événement. Sinon, j'en ai fait un aussi au Circus à Montréal. Ça, c'est pour trouver un nouveau DJ résident pour le club. Je me suis rendue en finale, j'avais pas gagné, mais ça m'a quand même donné beaucoup de confiance en moi. Ensuite de ça, c'est le dernier concours que j'ai fait, c'est par le Drag Cabaret Club qui recherchait aussi un nouveau DJ résident. On est allé faire une audition sur place. Il y avait personne dans le bar, ils disent vas-y, fais comme si le bar était plein, laisse-toi aller. Fait que là, tu fais un mix, tu essaies d'avoir l'air dedans, puis finalement, il avait aimé ça, puis depuis ce temps-là, je suis encore DJ résident au Drag. Et alors, c'est quel jour qu'on peut te voir au Drag? C'est soit les vendredis ou les samedis, environ une fois par mois en rotation avec d'autres DJ. On est une grosse équipe de DJ résidents au Drag. Sinon, il y a les samedis aussi, je suis au District Saint-Joseph. Et les vendredis en rotation au Jack Saloon Sainte-Foy à la Pyramide. Donc quand même, quand on arrive à devenir DJ résident dans un lieu, tu me disais, c'est quand même une étape de plus parce que ça veut dire qu'on va revenir régulièrement dans ce bar et qu'on fait partie de l'équipe. Oui, c'est ça. Ça donne une certaine notoriété aussi là, d'être en place, que les gens puissent venir te voir régulièrement. Ils disent, bon, c'est qui joue à soir? C'est DJ Sheldy. Oh, cool, on sait que ça va être bon, on va aller la voir. Mm-hmm. Comment tu définirais ton style? Parce que tu m'expliquais que tu ne fais pas de production musicale en tant que DJ. Non, c'est ça. Je fais seulement prendre je prends la musique populaire, je cherche beaucoup, je passe beaucoup de temps à rechercher des remixes que les gens connaîtront pas, des nouveaux sons un petit peu plus original. Puis j'essaie de combiner tout ça. Dans les bars, c'est certain qu'il faut mettre beaucoup de musique commerciale que les gens connaissent, mais j'essaie toujours de pousser mon style personnel à travers, là, un petit peu tech house, un petit peu techno. D'ouvrir vers d'autres c'est choses ça, plus méconnues. Quand on se promène un petit peu, là, on est capable de manipuler, puis là, on fait plaisir à tout le monde danse, puis ça crée une belle ambiance, puis on fait monter le dance floor. Mm-hmm. Et c'est ça que tu préfères, faire des découvertes aux gens qui sont dans le bar, qui, oui, viennent pour écouter, comme tu dis, leurs chansons connues, mais « Ah, tiens, ça, je connais pas, puis j'aime ça. » Oui, c'est ça, c'est de surprendre les gens, puis de les faire se rendre compte que, finalement, la musique house, ça se danse super bien, puis ils n'ont pas besoin de connaître les paroles. Mais... Et là, au district ce soir, donc dans le cadre du Festival d'été de Québec, qu'est-ce que tu nous réserves? Bien, c'est certain que je vais me laisser beaucoup plus aller dans mon style, puisqu'on est là en tant qu'artiste engagé par le festival. Donc, ça va être beaucoup des sonorités house, là, je dirais toutes les petites branches. On va passer par le deep house, le tech house. À la fin, ça va être du bass house. Il y a beaucoup de noms comme ça que les gens connaissent pas, mais il y a vraiment des particularités dans chaque style. Puis à la fin, ben, le classique electro house là, pour faire danser tout le monde. Ça va être le party. Et j'ai l'impression que quand on travaille en musique électronique ou qu'on s'intéresse au style, on n'a pas le choix de voir international, mais très large, hein, parce que chaque continent a un peu sa spécialité sur la musique électronique qu'il propose. Est-ce que c'est ton cas dans ta recherche? Est-ce que tu élargis vraiment par continent ce que tu écoutes? Ben oui, ben c'est sûr que j'essaie de trouver qu'est-ce qui est populaire aussi, mais je recherche sur des plateformes internationales, des DJs du Brésil. Il y a un style en particulier, ça s'appelle le Brazilian Bass, puis ça vient vraiment me chercher, là, c'est vraiment quelque chose de super bon. Aussi, toute la musique du UK, il y a vraiment une sonorité particulière à Londres, là, que c'est aussi, c'est vraiment, ça pousse beaucoup sur la bass. Mm-hmm. Ça aussi, ça vient beaucoup me chercher. Il va en avoir au district ce soir, c'est certain. Donc, quand tu aimes, tu intègres dans ta soirée aussi. Donc, ce soir, on danse? Comment ça se passe? J'ai pas encore fait les soirées DJ au district Saint-Joseph. Ah oui, on va danser. On met la totale ce soir à partir de 23h30, tout de suite après le band, une chanteuse ce soir. Mm-hmm. Donc, on monte sur la scène, on met un éclairagiste, on met le son dans le fond, puis tout le monde peut monter sur le stage avec moi. Pas trop intimidant, ah oui, ça? Ouais. Non, je suis habituée. T'aimes ça que les gens montent avec toi sur scène? Oui, vraiment. Ils peuvent même venir me faire des demandes spéciales. Ça va me faire plaisir. Donc, tant que ça reste dans le populaire, t'es capable de trouver. Oui, c'est ça. Des fois, les gens me demandent une chanson populaire. Je ne jouerai pas la version originale que tout le monde connaît. Je vais venir surprendre, justement. Puis c'est ça que les gens aiment. Je suis capable de mélanger mon style à moi et de faire plaisir à tout le monde. C'est la formule gagnante. C'est quoi la chanson qu'on te demande tout le temps en ce moment? Ben, ces temps-ci, c'est beaucoup One Kiss. Okay. Il y a One Kiss puis il y a Body de Loud Luxury. C'est vraiment les deux gros hits de l'heure. Mais encore là, une fois, je mets pas les versions originales. J'ai fait du remix à moi. Oui, c'est ça qui est cool aussi. Puis dans les choses plus anciennes, moins actuelles? Choses plus anciennes, moi, j'aime beaucoup jouer des vieilles chansons de hip-hop des années 90, début 2000. Là, ça, c'est des classiques, puis tout le monde aime ça. Ça rappelle des souvenirs. Je joue parfois les originales, des fois, encore là, des petits remixes un peu plus house. Mm-hmm. On mélange le vieux hip-hop avec le house, ça surprend les gens. Puis, Est-ce qu'au Festival d'été de Québec, tu te promènes, toi aussi, pour aller découvrir d'autres artistes? Qui sait, ils seront aussi remixés sur tes platines bientôt? Mais c'est certain que moi, je suis beaucoup attirée vers la scène principale, la scène belle, c'est des gros noms. Puis d'ailleurs, je vais faire des petits clins d'œil pendant la soirée. C'est certain qu'on va entendre du The Weeknd, du Camila Cabello, on va entendre du Chainsmokers aussi, avec Gorgon City, qui font la soirée électro mercredi prochain. C'est certain que je vais voir ces artistes-là, principalement. C'est ce qu'ils viennent me chercher, puis c'est qu'est-ce que j'aime mixer. Mm-hmm. Donc, est-ce que le Festival d'été de Québec te fait des demandes de diffuser certains artistes dans ta soirée ou pas du tout? Non, pas du tout. Justement, là, on a la permission de jouer notre style plus à nous puis de se laisser aller. Donc, c'est ça qui est le fun. Carte blanche, donc, pour les différents DJ. Est-ce que tu connais les autres DJ qui jouent à Québec pendant le festival? Je connais tous les autres DJ qui vont mixer au district. Oui, puis c'est le fun parce qu'on a chacun un style assez différent aussi. Fait que ça vaut la peine. Si une fois qu'il faut venir nous entendre, c'est vraiment pendant le festival d'été parce qu'on se permet de... On se laisse aller, justement, carte blanche. Donc, ça dure combien de temps pour vous, cette soirée? Pardon? Ce soir, tu joues combien de temps? De 23h30 à 3h. Ah, donc, quand même! J'ai 3h30, ouais. Gros mandat, ouais, alors. Ça fait un bon set. moi, je vais enregistrer une partie, puis je vais la publier sur Internet, sur ma page Facebook, sur mon SoundCloud aussi. Je vais faire un petit live aussi pour les gens qui ne sont pas là. Donc, très active ben, sur oui, le ben, web. Oui, il faut. C'est une façon de se faire connaître aussi. Exactement. Pourquoi, selon toi, il y a aussi peu de femmes dans la musique électronique tant que DJ? J'ai aucune idée, honnêtement. C'est pas... Je pense qu'on est habitué de voir des hommes. Les femmes, peut-être, osent moins, mais pourtant, ça prend pas plus de connaissances. Ça prend pas de muscles non plus pour être un DJ. C'est vraiment... Je pourrais pas dire pourquoi, mais là, il y en a vraiment de plus en plus. Honnêtement, depuis que j'ai commencé, là, j'en vois apparaître. Puis moi, j'aime ça, j'encourage beaucoup les filles. Là, on fait pas de la compétition, il faut s'entraider entre nous. Et qu'est-ce qui, toi, t'a donné envie de te lancer? Parce que tu le voyais, que cet univers était très masculin. Est-ce que... Parfois, on a eu des hésitations parce que, ben, justement, on est minoritaire, on n'ose peut-être pas trop y aller dans ce milieu-là. Ben, c'est sûr que c'est assez intimidant au début, mais je dirais qu'on se déjeune facilement. Puis, moi, je trouve qu'il n'y a rien qui m'empêche parce que je suis une fille. Au contraire, les gens aiment vraiment ça. J'ai toujours les commentaires « Wow, une fille, ça fait changement, c'est original. » Les propriétaires de bar aiment ça aussi. Ça attire beaucoup de clientèle, quand même. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Surtout quand c'est rare. Alors, ouais. On l'a compris, si on veut te suivre sur Facebook, tu as une page. Oui, c'est DJ Shieldy. Puis on peut écouter, donc, c'est quoi? Dès demain, tu vas publier une partie de ce que tu as fait ce soir? Oui, ou... je vais l'enregistrer live ce soir, là, donc ça devrait être disponible dès demain sur Internet. Il va y avoir le lien de SoundCloud sur ma page Facebook. Donc, on va pouvoir aller écouter ça. Alors, on va quand même écouter un extrait d'une des pièces que tu choisis de mixer lors de cette soirée. Je ne sais pas si ce soir, on va l'entendre, mais que tu m'as envoyé Guds and Taut Love, Dancing Kinda Close. Peux-tu en dire un petit mot? Oui, ben c'est ça. J'ai envoyé une chanson Técasse pour dire que je vais mixer vraiment plus la musique underground comme ça ce soir. C'est à quoi on peut s'attendre pour une bonne partie de la soirée. Alors, si ça vous plaît, direction l'Impérial Belle ce soir, 23h30 avec DJ Shieldy. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vient d'entendre une pièce sur laquelle donc mixera DJ Sheldy ce soir au district Saint-Joseph. Si vous avez envie d'une soirée dansante, c'est samedi soir, hein, c'est le moment, 23h30 pour ce district Saint-Joseph avec DJ Sheldy. Alors, je vous avoue, on devait avoir Fudge en entrevue, mais ils viennent de finir leur test de son, ils jouent à 17h. Alors, on les excuse, évidemment, ils ne peuvent pas être avec nous. Mais bon, heureusement, on a des chroniqueurs qui savent parler de tout. Et c'est le cas de Jean-Claude Anto et Tania Beaumont qui sont déjà là autour de la table. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut. Jean-Claude, ben, tu me disais, s'ils ne sont pas là, Fudge, ils font le maximum pour venir. Mais s'ils ne sont pas là, ce n'est pas grave. Moi, je peux en parler. Je les connais bien. Je les connais bien. Je les apprécie en plus. Oui, dans le sens que tu les as vus plusieurs fois sur scène. Puis on peut même utiliser leur nom de band pour l'expression « Ah, oh, Fudge, ils ne sont pas là ». C'est vrai. Oh, c'est joliment dit. Il n'y a pas roulement de tambour avec quelque chose? Je crois que, pour ma part, Fudge, c'est vraiment un bon début de soirée. Ça tombe bien, ils sont au cœur du FEC, sur la scène FIB. À 17h. Fudge est un groupe rock très pesant, power trio, vraiment, qui, initialement, tout tourne autour des créations de l'écriture de David Bugeaud, qu'on a connu en tant qu'auteur, compositeur, interprète solo. Et puis c'est au moment où il a décidé vraiment de se transformer et de s'entourer avec un son beaucoup plus gras qu'on dirait que là, ça allait vraiment décoller. Ça l'amène ailleurs. Ils ont sorti un EP en 2015 qui se nomme EP1. EP2 en 2016, EP2 en 2017, et ils viennent tout juste de sortir un nouvel extrait pour 2018. C'est souvent des pièces à propos de des amours ratés, des relations un peu ratées, de la vie quotidienne, mais vraiment d'un aspect un peu naïf, mais qu'on tombe en amour avec les paroles, avec un son vraiment très gras, un son qu'on pourrait considérer, qu'on appelle du lac un peu, là, qui rappelle les Gros Ménés et Galaxy. Donc, pour les fans de rock très pesant, et même s'ils chantent en français, on a un aspect vraiment très américain comme rock très pesant. Mais donc, c'est à voir. Oui, j'allais te dire, rock pesant, moi, je suis pas fan de rock pesant, mais j'adore justement ce mélange entre, oui, ça nous parle d'histoire d'amour échouée, là, je ne sais pas comment faire avec les filles, c'est ça le nom du dernier extrait. Le nouvel extrait, oui. Oui, oui, donc on va l'entendre d'ailleurs un peu plus tard. Donc, à 17h, c'est tôt quand même pour ce genre de musique? C'est tôt, mais je crois que ça met la table pour le reste. Des fois, c'est des problèmes d'horaire, puis de... Mais la scène FIB est vraiment très variée. C'est vraiment pour les découvertes, pour les fans un peu de tout. Et il y a un son extraordinaire à cette scène-là. J'y étais hier soir. Et je crois que ça va vraiment déménager, si on veut bien l'expression. Puis on parle de rock lourd, mais c'est pas du tout métal et ça reste archi-mélodique. Donc, ça, même pour les oreilles peut-être un peu plus sensibles, on pourrait probablement apprécier. Un groupe de Québec, donc, à voir ce soir, 17h, dans... Une formation de Montréal. De Montréal, pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit Québec. Mais je voulais me les approprier. Ouais, c'est ça. Merci, Jean-Claude. C'est pas tout faux. Ah, c'est pas tout faux, c'est vrai. Tania, justement, on n'a pas eu l'occasion encore de parler de tes 51 albums que tu as écoutés, justement. Je l'ai fait par les uns, s'il vous plaît, quelqu'un. Justement, c'est peut-être l'occasion de mettre la table pour une invitée qu'on va recevoir un peu plus tard dans l'émission. Dacruz, tu l'as écouté aussi, Tania? Oui, je l'ai écouté il y a longtemps. Oui. Donc, il y a à peu près Brésil. 45 jours, parce que je suis allée en ordre alphabétique, donc à partir du D. Et j'ai vraiment été agréablement surprise. Il me semble que Dacruz était déjà passé au Festival d'été il y a plusieurs années. Le nom disait quelque chose pour peut-être lui avoir parlé. Et je me souvenais que c'était quand même assez dansant. Mais là, le plus récent album, je l'ai trouvé extrêmement bien fait. Très, très varié. Quand elle rappe aussi, c'est très affirmé. Il y a évidemment de l'influence de musique africaine à travers tout ça, brésilienne aussi. On est dans l'afro-brésilien. Oui, surtout. Donc, avec une belle soirée, j'avais hâte d'aller voir ça. Je ne suis pas une grande fan de danse. Là. Moi, je ne me dis pas, je vais aller voir un spectacle pour danser. Mais contrairement à moi. Bon, oui, c'est ça. Soit qu'on se complète bien. Ouais. Mais Dacruz, je trouvais ça intéressant. Je me suis dit, oh, peut-être taper du pied un peu. Mais certainement, ce soir, c'est une des artistes que je vais aller voir au Carré d'Youville. Mais pas pour danser. Ben, pour hocher la tête. On verra si je vais danser. On va voir. C'est oui, 19h30 ce soir à la scène Hydro-Québec de la Place d'Youville. C'est gratuit, on vous le rappelle. Pas besoin du laisser-passer d'ailleurs. On ne peut pas passer à côté des plaines, évidemment. Et Tania s'est aussi lancée dans l'écoute des albums de ces artistes. vers lesquels tu serais peut-être pas allé en temps normal. C'est le cas de Future qui jouerait à 22h15 ce soir. Oui, mais j'ai écouté Future parce que quand la programmation est sortie, tout de suite, tout le monde, on se dit, oh mon Dieu, Future est là. Et là, je me suis sentie un peu mal parce que j'avais aucune idée de qui était Future. Alors, c'est un rappeur américain qui est vraiment la coqueluche ces temps-ci dans le style. Il est extrêmement productif. Juste en 2015, en environ 9 mois, il avait sorti 4 projets. Là, il annonce depuis de nombreuses semaines un album qui devrait sortir dans environ 1 mois, mais hier, il a fait paraître un mixtape. Donc, vraiment, je pense qu'il y en a des choses à dire. C'est pas parce qu'il n'y a pas de paroles dans ses albums, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai écouté un album qui s'appelle, un mixtape, en fait, Super Smiley. J'aurais peut-être dû écouter Hendrix, mais on a enlevé les voyelles. Donc, c'est comme juste H-N-D-R-X-X-X, qui est aussi son surnom quand on le cherche sur Internet, parce que si on tape juste Future, c'est pas évident, mais souvent il y a Hendrix par la suite. Donc j'ai écouté cet album-là. J'ai trouvé ça assez redondant, peut-être un peu froid aussi. Alors que sur Hendrix, il y a des collaborateurs de renom, donc vraiment des vedettes de la pop qui sont présentes sur cet album. Il a vraiment su s'entourer. Donc des plus grands succès, selon moi. Alors j'avais fait le mauvais exercice, mais l'album était assez long. Comme 1h16, quand je dis qu'il est capable de produire beaucoup de matériel, c'est le cas. Ce qui fait que j'avais décidé de ne pas écouter cet album-là. Mais oui, ça semble tout un personnage, ce Future, surtout qu'il a 3 enfants de 3 femmes différentes et 1 adoptif en plus. Il chôme pas. Oui, dans tous les domaines. Dans aucune sphère de sa vie. Et de ce que j'ai pu comprendre, il a fait une espèce de purge Instagram. Donc, il a tout effacé et là, c'est que du nouveau visuel pour aller avec ses nouvelles chansons, nouvel album. Il y a juste 6 publications, ça se peut pas, mais c'est de ce que j'ai compris. Donc, il a fait une espèce de vide. Je pense que c'est quelqu'un de très intense qui va à fond, probablement pour ça qu'il est au sommet de son art présentement et que c'est une des grosses têtes d'affiche, même si je le connaissais pas avant que son nom sorte dans la programmation, et un gros nom du hip-hop actuel. Donc, si on aime le style d'un, on le connaît puis on y va, c'est sûr, j'ai pas besoin de vous convaincre. Jean-Claude, justement, qu'est-ce qu'on peut dire de cette soirée sur les plaines? Le rap et le hip-hop, ça marche toujours très, très bien. Toi, Future, tu devais connaître. Oui, je connaissais un peu. C'est pas le type de rap que j'écoute nécessairement, mais il faut dire que oui, ça fonctionne bien sur les plaines depuis quelques années, mais je pense que ça a pris un bon moment avant que le festival décide de s'y plonger tête première. Et puis depuis quelques années, justement, ils continuent à aller chercher des têtes d'affiche très importantes. On se rappelle qu'ils ont déjà eu Kanye West, ils ont déjà eu Kendrick Lamar. Donc là, d'arriver avec Future cette année, ça vraiment, ça les positionne dans un style très... Future, oui, est très populaire chez les jeunes et c'est en ce moment... Et au moment où ils font leur programmation, ben on peut prédire qu'ils étaient un peu avant-gardistes en s'assurant d'aller chercher quelqu'un qui était au sommet de son art, comme Tania le mentionne si bien, et de l'attraper et de jumeler avec Loud, qui présentement... Est au sommet de son art, qui vient tout juste de signer un album, la sortie de son album en France. Il cartonne en France, il cartonne ici. Et puis, c'est dans le fond une suite logique avec ce qu'il avait fait avec Loud Larry Ages. Et donc, vraiment un début de soirée extraordinaire. Lil Yachty aussi, qui est quand même une bonne prise, qui vient remplacer Busta Rhymes, qui devait être là, je crois qu'il y a un conflit d'horaire. Ça fait déjà quelques semaines qu'ils ont annoncé que Busta Rhymes n'était pas pour être là et qu'il remplaçait avec Lil Yachty, qui lui aussi a collaboré avec Major Lazer et Diplo. Vraiment, ils ont été chercher des artistes qui sont clés en ce moment dans le hip-hop pour se positionner à l'international, mais aussi pour venir répondre à la demande, parce que c'est des pièces qui jouent à la radio ici, là. En plus. Mais on soulevait hier le problème des gens qui se déplacent pour des premières... En fait, pour ne pas écouter les premières parties, hein, parce qu'on est là pour la tête d'affiche. Alors que ce soir, je pense que autant il y a des gens qui veulent voir Loud, qui veulent voir Future également. Donc, je pense que là, on est vraiment dans une soirée qui... Je ne veux pas dire une soirée qui se tient, parce que les autres se tenaient aussi vraiment très, très bien. Mais au moins, les gens vont être attentifs aux premières parties. Oui, exactement. Et ça, c'est essentiel, même sur les plaines d'Abraham, bien sûr. Donc, dès 19h, pour cette soirée à rap hip-hop, qui se terminera avec Future à 22h15. On va quand même revenir sur notre premier groupe donc de rock, qui va jouer sur la scène FIP dans... Allez, 35 minutes maintenant. Voici Fudge avec le tout nouvel extrait « Je ne sais pas comment faire avec les filles ». We'll be right back. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. CKRL. Québec. Depuis 10 ans, Première Ovation présente les artistes émergents de Québec. Le Festival Off de Québec, c'est l'enfant terrible des grands événements musicaux. C'est une programmation plus risquée. Des fois, c'est un peu champ gauche. D'autres fois, les performances sont juste vraiment intenses. Mais c'est tout le temps festif. Le genre de soirée qu'on n'oublie pas, jamais. Le Festival Off de Québec, c'est du 4 au 8 juillet. T'es pas prêt. Programmation complète sur québecoff.org. Pourquoi être membre de CKRL? Parce que tout simplement, c'est la meilleure radio au monde. Et aussi parce que vous économisez 20% au bar salon Quartier Général, 1 boulevard Charest-Ouest. Devenez membre sur ckrl.qc.ca. Du 28 juin au 7 juillet, on vous donne rendez-vous à Petite-Vallée pour vivre le 36e Festival en chanson. Pendant 10 jours, plus de 30 spectacles au bord de la mer. Avec Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Jean-Pierre Ferland, Marjo, la Caravane Country à Laurent Jalbert et plusieurs autres. Pour info, visitez lefestivalenchanson.com ou composez le 418-393-2222. On pourrait commencer par là. Le Festival en chanson de Petite-Vallée, une présentation d'Hydro-Québec et Québécois en collaboration avec Desjardins. À découvrir sur la fabrique culturelle. Étant jeune enfant, dans le temps de la première maison, on venait passer des vacances ici avec notre mère. Je venais des fois avec mon père. Par la suite, dans la petite maison, les dernières années, je venais souvent passer plusieurs semaines l'été avec mon grand-père. Un retour sur l'histoire du fort du Pilier de Pierre à Saint-Jean-Port-Joli, raconté par Pierre-Yves Bourgault. Les forts annonçaient la terre aux marins. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, les forts annoncent la mer aux terriens. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Votre radio vous suit partout. Téléchargez l'application de l'Association des radios communautaires du Québec et écoutez les stations de partout en province. Les radios communautaires, écoutez-les, découvrez-les partout. Disponible pour Android et iPhone. Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturale. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. On a encore une heure à passer ensemble dans Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec. Je vous le rappelle, on accueille ici au Sacrilège les artistes en programmation pour qu'ils nous parlent de leur spectacle à venir ou même passé. Ça a été le cas aujourd'hui. Et puis on découvre leur univers par la même occasion. Mais eux, on les connaissait déjà un peu puisqu'on les diffuse déjà depuis plusieurs mois à CKRL. Le groupe Casual Rights jouera demain à la scène Loto-Québec, donc Parc de la Franco à 19h. Et pour vous parler du groupe, j'ai un membre avec moi, Mike Morris. Bonjour Mike. Hello, hello. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Vous êtes prêt pour demain? Est-ce qu'il y a une dernière rencontre avant le spectacle? Oui, il y a une dernière répétition demain matin. OK. Fait que, étant donné que bon, on est un peu éparpillés comme groupe, un à Rimouski, un à Montréal. Fait que c'est ça, dans le fond, on réussit à se rencontrer de temps à autre. Puis là, ben, demain matin, fait que juste avant, fait que vous allez avoir le meilleur edge qu'on peut donner. Avec même des décisions prises à la dernière minute sur une chanson qu'on intègre alors qu'on n'avait pas prévu de le faire? Peut-être. Qui sait? Vous avez un album éponyme qui est sorti l'année dernière, ouais, Casual Rights. Je vous ai vu, moi, à la finale des Apéro Fake, okay. Puisque vous faisiez partie des quatre artistes qui ont accédé à la finale. Donc, concours organisé par le Festival d'été de Québec depuis l'automne jusqu'à à la fin du printemps pour déterminer un groupe, un artiste gagnant qui se mérite une bourse de 7 000 $. Mais déjà, quand vous arrivez à la finale, vous repartez avec 1 000 $. J'imagine qu'en tant que groupe, on est bien content pour faire évoluer le projet, justement. Ouais, ça fait du bien comme groupe indépendant de pouvoir avoir un peu d'appui financier. Puis ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très apprécié. Puis je pense que le festival d'été fait quand même remplit quand même bien sa mission là, à ce niveau-là avec les groupes locaux, au moins de leur donner aussi une scène, tu sais, tout au long de l'année au district Saint-Joseph, puis de leur permettre de se produire, puis aussi de les inviter au festival d'été comme ça. Moi, je trouve que c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez déjà pensé? Qu'est-ce que vous alliez investir avec ce 1 000 $? Où c'est placé, c'est mis de côté? Ben, je sais pas. On s'en sert souvent pour des dépenses, comme pour se rendre à des shows, des trucs comme ça, ou pour se nourrir une fois sur place, ou, mettons, pour aller enregistrer un autre album, louer du matériel, des choses comme ça, faire produire de la merch. Mais présentement, non, l'argent n'est pas encore utilisé. Donc, c'était une proposition. Non, pas, c'était juste tourner pour d'alcool dans le bar ici, ce soir. Ben, pourquoi pas? Non, mais c'est parce que 1 000 $, ça a l'air beaucoup peut-être pour les gens, mais c'est pas tant que ça, surtout quand on a un groupe de 5 musiciens. Ouais. Ouais. Puis surtout, on mange beaucoup. Là. On a quand même des bonnes pentes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces photos. On est quand même très gros. Non, ça va. Okay. Je trouve c'est bien. sans vouloir juger. Mais vous avez de la chance quand même. Donc, ça, vous méritez aussi une place au Festival d'été de Québec grâce à ce concours, même si on ne ressort pas gagnant. Le Parc de la Francophonie, pour un groupe de Québec, c'est très gros. Ben, on ne sort pas gagnant. Moi, je trouve que c'est quand même déjà quelque chose d'assez gagnant. Oui, oui. Mais sans être le vainqueur des Apéro Fakes. Ben, le vainqueur d'un chèque, OK, c'est sûr que c'est le fun de l'avoir, mais ça reste que, bon, d'avoir les opportunités aussi de pouvoir jouer puis de se faire donner un stage comme ça, ben moi, en tout cas, je pense pour toutes les autres gars aussi, là, moi, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. On va avoir beaucoup de plaisir. Et sincèrement, parce que vous aviez joué deuxième, je pense, lors des Apéro Fake. Troisième? Deuxième ou troisième? Moi, je m'étais dit, c'est bon, je pense que j'ai trouvé mon groupe préféré de la soirée. J'étais partie pour vous. Et puis après, Forest Boys a complètement renversé la tendance parce qu'il y avait une ambiance de folie. Ils avaient leur public aussi. Votre musique était très bonne, mais vous étiez complètement dans deux registres différents. Ouais, je pense qu'il y a quand même plusieurs univers qui se rencontraient ce soir-là. Oui. De départager ça maintenant, bon, il y avait des juges qui en avaient le boulot, mais... Il y avait le vote du public qui était très important aussi. Moi aussi, mais bon, rendu là. C'est ça, comment vous le vivez quand vous voyez que le dernier groupe qui joue, bon, il y a une autre ambiance qui se dégage de la salle, puis... Ben... Vous, en coulisses, vous étiez dans quel état? Dans quel état? Ben, nous autres, on a joué, puis je pense qu'on a livré tout ce qu'on était capable de livrer. Rendu là, je sais pas, les autres groupes ont leur truc, nous autres, on fait nos affaires, puis on était quand même très satisfaits de la façon dont on avait joué, puis ce qu'on avait rendu. Je pense que c'est quand même fidèle à nous, puis... C'est comme très bien comme ça. On était quand même... Ouais, on était satisfaits. Je confirme, c'était une très bonne prestation et j'ai découvert un peu plus votre album ce soir-là, même si on joue quoi? 4 chansons, 5 chansons? Je pense qu'on en faisait... C'était court, hein? 4 ou 5, ouais. Une demi-heure, ça passe quand même assez vite. Ça passe très vite. Ouais. Mais c'est aussi ça l'idée de faire découvrir d'autres groupes à travers cette finale. Oui, c'est un concours, oui, un enjeu, mais... On découvre quand même des styles musicaux différents. Puis ce soir, certainement, il y aura des gens qui étaient à la finale qui vont venir vous voir au Parc de la Francophonie, comme c'est je disais. Demain. Demain. Pardon, je vous projette déjà sur la scène. Non, c'est demain, je fais bien de le rectifier. Ben, on à va 19h. Le prendre aussi. Ce soir, si on peut, on va le prendre aussi. On va le prendre demain. je programme à la place du Festival d'été de Québec. Mais Parc de la Francophonie, pour vous, ça représente quoi? Pour ceux qui y habitent à Québec dans le groupe? Oh my God, ben c'est quand même quelque chose de gros. Je me souviens d'avoir été voir beaucoup de spectacles là. C'est vraiment comme je veux dire, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ben dans notre ville, je pense que c'est vraiment quelque chose de très beau, quelque chose de très gros, une belle place aussi qu'on nous donne l'opportunité de faire. Puis c'est quand même un honneur. Puis je pense qu'on va y aller avec tout ce qu'on peut donner, étant donné que ben on l'apprécie énormément. Puis en même temps, c'est de faire la première partie de War on Drugs, M-Ward. C'est quand même des influences qu'on a eues aussi. dans la composition de l'album. Philippe a eu beaucoup d'influence de ça. Fait que lui, ben, en tout cas, je me souviens quand il nous l'a dit au local, il disait, hey, les gars, finalement, au festival d'été, bon, ben, on va être au Parc de la Francophonie, après une partie de War on Drugs, on était comme, bon, c'est bon, c'est une bien bonne blague. En fait, moi, j'y croyais pas vraiment, tu sais. Là, il était là, non, les gars, je vous dirais pas ça si c'était pas vrai. Fait que, comment on le prend? On était quand même très flattés, on se sent vraiment choyés de pouvoir faire ça, puis on va donner le maximum de nous-mêmes, ça c'est sûr. Ça. Faut être assuré, ça. Et donc, au programme, j'imagine, les chansons de l'album éponyme, il y en a 10 quand même. Ouais. Est-ce qu'il y en aura des nouvelles? Est-ce que vous profitez pour casser des chansons? Non, on va vous livrer probablement les pièces de l'album, oui. En fait, on se voit pas beaucoup ces temps-ci. On est quand même des gens très occupés. D'ailleurs, c'est ce qui est quand même pas de mauvaise chose parce que David, lui, il retourne de son côté. Rimouski, lui, joue avec d'autres bandes aussi. Et, Nathan, le claviériste, joue avec d'autres bandes aussi. Il joue peut-être avec 2-3 bandes. Ils se promènent beaucoup. Moi aussi, je joue avec d'autres personnes. Pascal accompagne d'autres mondes aussi à batterie. Oui, vous jouez tous. Vous êtes tous musiciens ailleurs, c'est mais ce qu'il faut dire. Ce qui est le fun, par exemple, c'est quand on revient ensemble, on a quand même toutes ces influences-là ou toutes ces choses-là qu'on a peut-être pu repiquer un peu ailleurs, qu'on vient remettre là-dedans, toute cette énergie-là qu'on vient pousser là-dedans. Okay. Mm-hmm. Mais on va se rencontrer demain matin. On va voir que ça a l'air. Si c'est bon, on va aller faire le show. Sinon, ça se peut qu'on... Ben non, est-ce que dès le départ, vous étiez déjà tous éparpillés puis vous aviez vraiment la volonté de jouer ensemble ou... C'est la vie qui a décidé que maintenant vous êtes aux quatre coins du Québec? C'est la vie qui a vraiment décidé ça comme ça. Au départ, on était quand même tous à Québec. Ça doit beaucoup remettre en question ou pas quand les... Voilà. Ben oui et non. Je pense qu'on continue de l'avant. Je veux dire, on se book puis on continue. Des fois, il y a des spectacles qu'on prend des remplaçants, comme par exemple, on est allé en Gaspésie puis c'est Simon Lachance de Raton Lover qui est venu remplacer Pascal à la batterie. Oui, il a appris combien de chansons? Il m'a dit. Je pense qu'il y en a, je sais pas. Une quinzaine ou une vingtaine? Une quinzaine peut-être, ouais. Ouais, on faisait quand même 2 heures de show. Ben, vois-tu, mais tu sais, on patauge comme ça là-dedans, puis on a plein d'amis qui sont là-dedans aussi, tu sais, puis c'est pas, on continue d'aller de l'avant, je sais pas, ça remet pas tant les choses en question, tu sais. Je sais qu'avec Philippe, on en a déjà jasé, puis on était comme, ben, on book, puis on y va, puis c'est tout, ça continue d'avancer. Si on se met à se poser la question, on n'avancera pas. Fait, mm-hmm. Bon, on le fait, on y va, puis à toutes les fois, ça marche, ça donne. On va jouer, puis ça fonctionne, fait. Il y a la volonté de rester ensemble, de vouloir jouer ensemble aussi. Tu sais, je pense pas qu'il faut trop penser à « Ah, est-ce qu'ils vont être là? Est-ce qu'on va pouvoir aller le faire? » C'est que, ben, ça se pointe, tu sais. Si c'est intéressant, si ça joue, ça joue. Puis je pense que jusque-là, c'est ce qu'on fait. On y va. Puis ça fonctionne. On est optimiste là-dedans. La preuve, vous vous donnez rendez-vous demain matin pour le Festival d'été de Québec. Donc, avec tous ceux qui doivent faire la route et vous jouerez demain soir. On finit toujours par trouver du temps pour ceux qu'on aime, vous savez. Ben, c'est ça. C'est joliment dit. Les compositions, qui les fait dans le groupe? C'est un travail collectif? Il y a une personne? Oui, c'est un travail collectif. C'est beaucoup Philippe, par exemple, qui arrive avec des textes. Philippe arrive souvent avec des bribes de chansons. Pascal, dernièrement, pour des nouvelles pièces, a apporté des idées aussi. Ensuite, ben, on arrange ça ensemble. J'en ai fait quelques-unes avec Philippe. Mais bon, principalement, c'est lui qui est l'auteur et compositeur du band. Ça partait de son initiative aussi au départ, il y a quelques années. Mais la plupart des trucs et des influences, même, il y a des chansons qui partent dans une direction puis qui vont changer complètement de côté. Une fois qu'on s'est rencontrés tous les membres du band ensemble, tu sais, ah, non, ben... Puis même, on n'est pas très gênés à se dire, « Ouais, ben, attends, moi, je sais pas, cette ligne-là, je trouve pas vraiment qu'elle est pertinente ou que Pascal peut me dire, hey, ben, à base, mec, tu devrais peut-être plus jouer ça. » Moi, j'entends ça quand je joue ça, tu sais. On n'est pas très gênés à se partager ça. Puis, c'est essentiel pour avancer, de toute façon. Puis comme je disais précédemment, ben, tu sais, on accompagne souvent d'autres personnes. Fait qu'on revient avec des idées différentes aussi, puis des feelings différents. Je pense que ça nous permet de vraiment mettre ça ensemble, puis de cette transparence-là, puis... Je sais pas, ça nous permet d'évoluer justement encore plus, puis de pousser encore plus le son de ça au lieu de plutôt faire bon, ben, tu la batterie, moi je te laisse ça, Pascal. Moi, écoute, je joue de la bass, tu sais. Ben non, tu sais, quand même une grande communication, puis un plaisir. Puis aussi Pascal Denis, qui est un super guitariste, un super chanteur aussi, il écrit des paroles aussi. C'est vrai qu'on le connaît moins comme chanteur, pour ceux qui ont une idée de qui c'est. On a pu le connaître dans Whiskey Lex, par exemple. Ouais. Puis il n'était pas du tout à l'avant-scène en tant que chanteur. Donc, non, mais il jouait de la guitare aussi quelquefois dans Whiskey Lex. Pour vrai, c'est des musiciens qui sont quand même assez pluri-instrumentistes. Est-ce que ça se dit? Multi-instrumentiste. Multi-instrumentiste. Ouais, voilà. Plus souvent on entend ça, mais je suis sûre que pluri ça marche aussi, ça veut dire la même chose. En tout cas, ben, on va écouter un extrait de l'album de Casual Rights. Merci beaucoup, Mike, d'être venu nous présenter le spectacle. Donc, je le rappelle, ça sera ce dimanche 8 juillet à la scène Loto-Québec, Parc de la Francophonie à 19h. Voici Shift. Casual Rights avec Shift à CKRL 89.1. Je vous rappelle qu'ils seront en spectacle demain soir sur la scène Loto-Québec, Parc de la Francophonie, à 19h. Maintenant, on retourne à ce soir, scène Hydro-Québec, du côté de la place d'Youville. C'est gratuit, on vous le rappelle à chaque fois. Très belle programmation aussi à la place d'Youville, notamment avec Da Cruz, qui nous vient du Brésil, et ils joueront à 19h30. Pour vous en parler autour de la table, on a deux des membres de la formation avec Mariana et Ebeysen. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, c'est André. C'est bon. André, c'est plus simple. Ouais. Bonjour, bonjour, André. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, on a Jean-Claude aussi qui va assurer la traduction en anglais parce qu'ils sont quand même multilingues. Mais bon, on m'a dit que ça les rassurait de nous parler en anglais aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Alors, quand on lit un peu la description de Da Cruz, on apprend qu'ils veulent représenter le Brésil, mais pas du tout dans la forme traditionnelle qu'on a. C'est pas la samba, le carnaval. On va vraiment ailleurs, là. So when we read about Da Cruz, we learned that you want to represent Brazil, but in different ways. How do you translate that on stage? Okay, I think it's Da Cruz is my music, what I want to do, what I make. I try to be far away from the clichés from Brazil, like football, we are the better, like Garota de Ipanema. I don't want to hear anymore. I want to really show for the people. We are strong enough. We have so many people, creative people there. We are so mixed. I am Afro-Brazilian. Then I try to make it all the way. Ta Cruz raconte d'un Brésil ouvert, moderne, urbain. Oui, c'est ça. Mais tu peux traduire un patron. Dans le fond, Da Cruz veut s'éloigner un peu de ce qu'on... Lorsqu'on pense au Brésil, on pense au football et on pense aux trucs typiques, si on veut. Oui, exact. Et donc, la formation désire s'ouvrir sur autre chose et présenter une autre facette du Brésil. Mm-hmm. Alors, comment on définirait cette facette chez Da Cruz? On mise sur quoi? How can we define... yes, how can we define your openness and this new face that you want to show of Brazil? So we tried to find terms about, so actually we called it the tropical new wave, but it's, so we had a lot of definitions, but it's really hard because it's really a collision, moi je peux... Et c'est en français, c'est une collision de si beaucoup d'influences. Nous sommes en Suisse, ça c'est notre base. Nous sommes venus en Suisse il y a 15 ans de Brésil, de São Paulo. Et comme ça, c'est vraiment une clash of the cultures de Europe, de Brésil, de Afrique, parce qu'elle est afro-brésilienne. Et la nouvelle, c'est vraiment aussi une recherche de ses racines africaines, parce que elle sait que les grands parents, ils étaient esclaves, mais elle ne sait pas d'où. Elle sait seulement c'est africaine, mais elle n'a pas des racines concrètes. Et ça, la nouvelle disque est aussi une recherche de ça. C'est très, il a très beaucoup d'influences africaines aussi. Oh, mon français est terrible, pardon. Non, c'est ça très va, bien. C'est bravo, on franchement. Compte, mais okay. Non, c'est super. Et mais ça reste dansant. Malgré tout. Oui, c'est oui. Ça, oui. Ça, c'est... Moi, je suis un très, très mauvais danseur, mais elle va danser pour nous. Et j'espère aussi la public. Oui. Ouais. Peut-être poser la question à Mariana, justement. On veut que ça reste dansant. Even with all these influences, it's still music that we can dance to. Yes. Yes. This influence, I think, is... I like to make this a fusion. I am Afro-Brazilian. Then I met these guys in Switzerland and only make the electronics. I think this fusion for me is important because in Brazilian, I am far away from Brazilian. Then here I live in Europe. Then I try to find my roots, my Afro roots. And I try to make this mix Brazilian Afro together with this electronic stuff. Then the people can dance. Donc, c'est la rencontre de la formation qui, d'un côté, était électro et de l'autre côté, qui sont ses racines afro. Le mélange des deux et de faire ça, de garder ça très dansant. Et la musique électronique qui est omniprésente en Europe, quand on pense aux grandes capitales, il y a de la musique électronique partout. Donc, j'imagine que ce style plaît beaucoup aussi aux Européens. So since we find electronic music everywhere in Europe, we can almost understand that it pleases many different crowds in Europe. Mm-hmm. Mm-hmm. So moi je fais de la musique électro. Moi je suis très très old, très vieux. Je fais de la musique électronique il y a depuis des années 80 déjà. J'ai commencé avec les premières synthétiseurs tout ça. Et je pense que c'est vraiment, vraiment difficulté de faire quelque chose timeless. I don't know the word in French. So si tu utilises des trucs électroniques, ça raconte d'une période dans la musique. C'est très, très difficile. Et ça, c'est ce que j'essaie de faire quand même, quelque chose qui est timeless. Peut-être tu peux... timeless qui va être transgénérationnel, qui va rester vivant longtemps... Et c'est très dangereux de go behind the trends and stuff. Et nous essayons de faire quelque chose d'unique. C'est pas toujours, ouais, c'est difficile, mais ça c'est notre on n'a pas de... aujourd'hui, on a beaucoup d'auto-tune sur les grandes scènes, mais chez nous, il n'y a pas d'auto-tune comme ça. Oui, nous essayons de faire quelque chose d'unique et pas go behind the trends. Et avec les racines brésiliennes vient le portugais aussi, la langue qu'on retrouve dans les chansons. D'ailleurs, le dernier album s'appelle Eco do Futuro. Donc, on a eu la volonté de garder le portugais. En revanche, dans les chansons, on aurait pu aller vers l'anglais. So it was important for you to sing in Portuguese, even and not go to the easier way in English. Can you explain more of why you chose to go in this direction with the Portuguese? Eco do Futuro, para mim, the Portuguese, yes. I think the Eco do Futuro, I like to speak in Portuguese because I think I can express myself better. And this CD, this disco, this album, I make this mix, the lyrics, because I write the lyrics. A little bit more sad, but sad. Eco do Futuro means I say something what's happened wrong in Brazil. Sometimes people doesn't want to listen. I make this together with something a little bit more happy to dance. But I think for me, this expression to sing in Portuguese is important. And the message is important. Yes. Yeah, and it's about... c'est aussi, oui, c'est, le Brésil, c'est un thème. On parle beaucoup de politique à Brésil. Ouais, c'était gay parce que nous avons parlé avec le programmateur de Glastonbury Festival. Il était très intéressé. Il a aimé beaucoup la musique. Et après, il a dit, mais c'est difficile parce que vous chantez en portugais, ça ne joue pas en anglais. On veut comprendre ce que vous dites. Pourquoi tu ne changes pas? Après, on a dit, hey, si tu aimes notre projet, c'est en portugais. Il faut accepter ça. Peut-être, ça va jouer, mais ouais, c'est vraiment, comme tu as dit, it's not the easy way, but for us, it's important that they understand our message in Brazil. C'est donc très important pour eux de chanter en portugais, surtout lors de l'écriture et même en lien avec le titre de l'album, d'écrire quelque chose qui est peut-être un peu plus triste sur leur réalité, mais de garder ça quand même joyeux avec leur musique rythmée, upbeat, électronique, et de vraiment faire propager le message de ce qui se passe présentement au Brésil. Mais tu peux nous raconter l'anecdote sur le festival de Glastonbury? C'était en français, je me souviens. En partie en français. Ouais. En fait, c'est que Glastonbury, qui est un gros festival, apprécie énormément leur musique, mais était inquiet un peu vu qu'ils chantaient en portugais. Ils voulaient peut-être leur demander de chanter en anglais. Et ils ont dit, si vous appréciez la musique, vous allez nous prendre comme qu'on est. And did you play in Glastonbury? Not yet. Oh, not yet. Because not yet. This year it was not. It was this year. So they made a pause. Okay. Donc, ils n'ont pas encore joué. Perhaps next year. So. Probablement l'an prochain. Mais pas question de changer alors là, parce que c'est quand même une grosse pression. C'est ça, Glastonbury, on se dit comment on peut refuser, la proposition était problématique. Non, la langue portugaise est trop beau pour changer quelque chose, parce que c'est vraiment... comme elle parle, c'est déjà comme musique. C'est musical. Oui, très très musical, c'est ça. Ouais. On va écouter un extrait de l'album pour se donner une idée de l'ambiance de ce soir. On rappelle Place Diouville à 19h30, Da Cruz, formation à ne pas manquer pour écouter ce mélange électro-brésilien. Le précédent album s'appelle Eco do Futuro. On va écouter Virose. Merci. J'ai essayé. Mariana, André, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean-Claude pour la production. On les écoute. Super.

un groupe de rap où on s'attend à quelque chose qui nous rentre un peu plus dedans? Je pense qu'à la base, au début, on était du monde très rêveur et très... très grande chose qu'on voulait faire. Donc les bras de Morphée étaient quelque chose de parfait pour nous. C'était comme le rêve un peu. Donc pour nous c'était le parfait. C'est mon chum Maxime qui a trouvé cette idée-là. Puis j'ai le props pour ça, c'est sûr. Merci. Donc ça a été une longue discussion pour trouver le nom du groupe ou... Du tout. C'est une chanson qu'on a écrite. Puis dans le refrain on le dit. Puis on a pris ça. C'était comme un flash en fait. Dans le refrain on a décidé de prendre le thème du refrain comme nom de groupe en fait. C'est tout. Et vous êtes le trio que vous êtes aujourd'hui depuis combien de temps? Est-ce que vous êtes des connaissances de longue date? Oui, vraiment. Ça fait moi et Maxime, ça fait au-dessus de 20 ans qu'on se connaît. Donc, Et moi, je suis le plus jeune. J'ai connu les Beaux après peut-être une dizaine d'années qu'on se connaît. Au moins une dizaine d'années. Ça fait environ une dizaine d'années qu'on fait de la musique. Je te dirais, Maxime, peut-être 15 environ. Donc, on a toujours été ensemble. On a eu un groupe. On vient de Rimouski. On est du monde basé de Rimouski. On avait un gros groupe dans ce temps-là, puis là, c'est juste été un entonnoir qui s'est fait. Les trois, on est restés, puis c'est pas mal ce qui est. Alors, attendez, j'essaie de voir les âges. 20 ans auparavant, c'est l'école, quoi. Donc, primaire, moi, j'ai 26 secondaire. Ans. J'ai environ 26 ans, 27. Ah oui, moi, donc, ça fait vraiment très, très, très longtemps. Oui, exact. Pour l'école primaire. Est-ce qu'à l'école primaire, vous imaginez déjà faire de la musique ensemble, dans vos rêves les plus fous, justement? Maxime pourrait répondre à ça, je pense. Il y allait avec les influences de la ville, en fait. Ouais, exact. Plusieurs personnes faisaient de la musique, on s'est laissé influencer avec les années, puis de fil en aiguille. Je pense que tout le monde a baigné dans la musique, anyway, même dans la jeunesse. Mais quand même, le rap québécois... et sur une très très belle lancée en ce moment, on en parle plus que jamais, avec des gros phénomènes, notamment à Québec d'ailleurs. Vraiment. Ben oui, qu'est-ce qui vous influence? Est-ce que c'est ce rap québécois? Parce que vous rappez en français aussi? Oui, mais on rappe plus en anglais, je te dirais, je suis le 20% de français qu'il y a, les deux gars ici rappent juste en anglais, donc c'est pas mal plus anglophone, donc nos influences, je dirais, sont plus américaines. Toronto, on aime beaucoup ce qui se passe à Toronto. Exactement, plus américaine. Si j'ai écouté du rap, c'est plus du rap francophone français, mais il y a du rap français à Montréal aussi que j'écoute beaucoup. Fait que tu sais, ce serait plus le rap français de Montréal que je te dirais que je viens écouter. Sinon, Loud fait ses affaires, c'est excellent. Très fort, shout-out à Loud. C'est quoi votre dynamique en trio pour écrire vos chansons? Personnellement, ce qu'on fait, nous autres, c'est pas compliqué. On hit le studio, soit que le beat est fait ou qu'on fait le beat directement. Puis après, on écrit, puis souvent le beat est fini, puis le track est prêt à être enregistré, puis le truc est déjà fait. Là, on check nos affaires, que les trucs fit, whatever, un petit thème en général, whatever. Des fois, on se parle même pas, puis on fait le truc. Là. Il y a une part à l'improvisation aussi, alors? Oui, toujours. Il y a toujours beaucoup d'improvisation là-dedans. Je pense que ça commence toujours avec ça. Je pense que tout rappeur pourrait répondre à cette question-là comme ça, exactement. En fait. Puis même tout chanteur, en fait, tout part d'une improvisation dans ta tête ou peu importe, c'est, ça va comme venir ton inspiration. C'est ça, tout part d'une idée, puis des fois, c'est juste, on fait l'affaire, on a l'idée ou whatever, puis on va prendre la première track, on n'a pas dit les mots, on n'a pas dit les affaires correctement, mais who gives a shit, le vibe est là, puis c'est ça qui doit sortir de là. Le rythme, le... Exactement. Exactement, puis je veux dire, c'est aussi le realness de l'affaire, tu le fais one take, puis le truc était supposé sortir comme ça des fois, puis tu peux pas reproduire cette authenticité-là. Vous avez sorti un premier EP qui s'appelle Velcro. On retrouve les Velcro d'ailleurs sur la pochette. Yeah, exactement. Kid Shoes. Du EP, j'adore. Et c'est drôle parce que quand on cherche votre EP sur, par exemple, iTunes, on voit vraiment le E de explicite partout. Est-ce que ça, c'est dans votre volonté de faire des textes qui vont accrocher, dans le sens qui vont être explicites, ou vous n'y pensez pas? Je pense qu'on ne pense pas à ça, en fait. Le E d'explicite est surtout à cause des termes utilisés, pas nécessairement à cause du message qui est véhiculé, selon moi. Donc, certains mots en particulier, oui. Ah, exactement, c'est ça. C'est juste à cause du slang utilisé qui n'est pas nécessairement purement... que ce soit français ou anglais, ce n'est pas de la langue qui est acceptée, mais sinon, le message en général n'est pas un message qui est violent ou whatever. C'est pas le message qui est explicitement non acceptable. Je pense qu'on prône même le contraire, je te dirais. On est du monde très peace, on aime l'amour, on le dit beaucoup dans notre chanson. Je pense que c'est plus la façon qu'on le dit, on va le dire avec peut-être des slangs, comme il dit, des sacres en anglais ou peu importe. C'est peut-être ça qui fait le petit explicite, je te dirais. Mm-hmm. Oui, parce que quand on regarde les titres des chansons, a priori, ça laisse rien présager de tout ça. On voit Bamos, hein, je l'ai dit à l'espagnol, oui. Kendall, Friend Fun, Winnie Pooh, Kylie Minogue. Oui, exactement. Oui. Kylie, drôle, ouais. Ouais, c'est tous des titres qui ont été justement trouvés avec un vibe de track et non pas avec nécessairement ce qu'on dit dans le track. Là. Kylie Minogue part d'un une niaiserie qu'on a dit à cause que justement I prefer calling Nino, you should call me Nino. Puis ça, ça sortait avec Kylie Minogue sur le shit. Yo, on a gardé Kylie Minogue, puis ça, ça restait ça. Est-ce qu'elle le sait qu'elle a. Non, mais j'aimerais ça qu'elle sache. Si tu m'écoutes, Kylie, j'aimerais ça que tu écoutes notre chanson. C'est vraiment bon. Ça, this is why, ça l'a sorti comme ça, puis on a gardé les trucs. Puis souvent, c'est ça, c'est une affaire de feeling, une affaire de vibe, puis on veut que le monde embarque là-dedans aussi. Tu sais, que ce soit la simplicité de l'affaire, que tu viennes, que tu embarques dans notre délire, justement. C'est ça, Murphy Storm, c'est un univers qui va t'amener un peu ailleurs aussi. Hein. Mais je suis sûre, si j'écris Kylie Minogue dans Spotify, je tombe peut-être sur votre chanson au milieu de ces gros hits. C'est quand même pas rien, là. Je fais le test en direct, mais... Bon, peut-être pas dans les premières réponses. Ben d'après, tu vas pogner Kylie Minogue. Ouais, exactement, c'est ça. Ouais. Si je regarde par titre, c'est sûr que vous êtes les premiers avant elle. C'est assez impressionnant de voir le résultat. Donc, bien vu, les garçons. Shout-out Kylie. Shout-out. Vous savez que vous pouvez faire ça pour toutes les autres chansons, alors. Non, sérieusement. Mais alors, Alanti, demain, 17h, c'est tôt pour un show de rap, non? C'est pas 7h, c'est 17h. Yes. Oui, 17h. Exactement. Oui. C'est tôt pour vous? Normalement, oui, c'est tôt, mais je pense que pour un dimanche, ça peut être accepté. En fait, c'est très tôt pour nous. On n'est pas habitué de faire des shows avant 11h d'habitude, puis d'habitude, 11h est remis. Mais anyway, 5h, ça va le faire, là, je veux dire, on va juste être... On est prêt, on est gonflé à bloc, on a très hâte. On a un show pour la première fois pour nous uniquement. On a une heure, c'est rare qu'on ait une heure. On fait souvent des premières parties, donc on a un 20-30 minutes. Là, on a un set au complet. On a hâte de présenter des chansons, des nouvelles chansons. On a hâte. Oui, parce qu'il y a les 5 du EP Velcro, mais j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Oui, il y a la classique qui nous a fait probablement connaître, qui s'appelle Dead Date, avec notre bon chum Jean-Michel Jamesy, qui va être fait aussi avec des amis. On a un ami aussi qui n'est pas là aujourd'hui, qui fait de la musique beaucoup avec nous, qui s'appelle William, qui fait aussi partie de la formation, qui s'appelle Tiger Tea Club, qui vont faire aussi partie de la formation. Donc, il fait aussi du hip-hop avec nous. Shout-out à lui, shout-out à tout le monde. Et on va faire de la musique aussi avec lui, ça va être plaisant. On a aussi un autre EP qui est sorti. Tu disais que c'est notre premier, mais on en a un autre plus tôt qui est sorti. Il s'appelle Craig Jones. On va faire aussi des chansons de celui-là demain. Et c'est l'occasion de vous procurer les EP, hein, quand vous allez voir les artistes en spectacle. Hein. Ben Kem, c'est bien beau, mais physiquement, ça a encore sa valeur d'avoir le disque en main. Et d'ailleurs, pour les spectacles à Alanti, je vous rappelle que oui, vous pouvez avoir votre laissez-passer, mais si vous ne l'avez pas et que vous voulez voir juste Morpheus Arms, vous pouvez acheter votre billet à la porte. C'est 10$, j'imagine, pour toute la soirée, parce qu'il y a des groupes qui arrivent. Oui, je pense que c'est exact. Donc, on pourra vous voir à cette occasion. Pour vous suivre, c'est quoi le mieux? Est-ce que c'est vraiment les réseaux sociaux? Oui, les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. Morpheus Arms partout, comme ça s'écrit Morpheus Arms. Et tu vas trouver les trucs, c'est pas compliqué. Spotify, iTunes, Apple Music, tout le tralala. Vidéoclip aussi. Oui, sur YouTube, on a une couple. Plusieurs vidéoclips qui roulent en ce moment. Il y a YouTube, for sure. Oui. Il y a les vidéoclips et shit. Vous avez exactement trouvé des dates que David parlait tantôt. Là. Et d'ailleurs, pour le vidéoclip de Friend Fun qu'on retrouve sur le EP, vous êtes dans la grande tradition du rap des années 90 avec cette image vieillie, faite au caméscope. Oui, mais c'est un peu à la mode. Dans le temps qu'on l'a fait aussi, ça a été un peu à la mode. The Weeknd l'a fait. C'est ce monde-là l'ont fait. Donc... On était dans le vibe de Friend Fun et tout, un vidéoclip qui était tourné pas nécessairement de basse qualité, mais qui était tourné avec des friends, justement, que ce soit first person view, là, un POV. Là. Mm-hmm. C'était important pour nous de faire. Que, justement, le caméraman fait un petit peu aussi partie de exactement, l'histoire. C'est un ami qui filme, c'est friend, fun. C'était ça le vibe autour du vidéoclip. Puis ça a bien tourné aussi, on a eu beaucoup de plaisir. That was shit. Shit was fun. Alors, on vous le rappelle, ce groupe s'appelle Morpheus Arms. Si vous voulez découvrir autre chose dans le rap et le hip-hop, le rendez-vous sera à Alanti demain à 17h. Donc, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à toi. Merci à vous. Puis on va écouter l'extrait, le fameux Kylie Minogue. Parfait, allons-y. Kylie Minogue, thank you. Rich people. Kylie Minogue avec Morpheus Arms. Je vous rappelle, ils seront à l'Anti Bar et Spectacle 17h demain, dimanche 8 juillet. Alors, mes chroniqueurs brassent des épaules, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est une danse ou un mot-code ? De toute façon, ce n'est pas radiophonique. Bonjour à tous les trois. Bonsoir. Tania, Harry, Jean-Claude. Hello. Hello. C'est bien, je ne vois pas encore des cernes sous vos yeux, donc c'est que ça se passe non, bien. Non, ils sont toujours trois, là, quand même, ouais. On est fait fort. Tania, qu'est-ce que tu es allée voir hier soir? Hey, moi, je prônais beaucoup Neil Young, puis oui. En l'attendant, j'ai comme fait, je le connais pas tant que ça, Neil Young, tu sais, je suis contente qu'il soit là, c'est un événement, mais tu sais, Bonobo, j'aimerais vraiment ça. Fait que j'ai regardé... T'es partie? Oui, parce que, en fait, je suis arrivée pendant Kurt Vile, qui a fait sa musique, mais c'était quand même assez... le gars, il est là, puis il chante, puis j'avais l'impression que le public applaudissait même pas. On dirait que il aurait pu projeter un spectacle de Kurt Vile qui serait donné à peu près la même ambiance. C'était assez particulier. En tout cas, de ce que j'ai vécu, peut-être Jean-Claude, tu peux... Ce n'est pas un artiste de grosse scène. C'est un artiste assez effacé. Pour avoir su qu'il a beaucoup apprécié sa performance. OK. Lui-même. Parfait. Fait qu'il est fier de lui quand même. Ben, c'est parfait, ça. Excellent. Moi, je suis contente de le voir. Donc, j'ai regardé à peu près une chanson de Neil Young, donc 12 minutes. Et ensuite, faut le préciser. Je suis allée voir Bonobo, que j'avais quand même écouté l'album Migration plusieurs fois, en voyage en plus. Et je trouve que c'est un album parfait. Il s'appelle Migration, tu sais. On s'entend qu'il y a cette envie de voyager. En plus, moi, j'étais dans des transports en commun, dans le train, à l'aéroport. Donc, ça collait beaucoup. Et là, j'ai retrouvé un peu de cette ambiance sur scène avec Bonobo, qui était avec musicien, hein, parce qu'il y a les deux formules, il faut le mentionner. Et c'est vraiment très sombre sur scène. La lumière sert de décor, mais surtout les projections, qui sont des projections de voyage, disons-le, ou du moins de panorama, par exemple, de canyon ou de grandes montagnes avec un lac. Donc, on est vraiment toujours dans la géographie assez haute, là. Il y avait toujours une certaine hauteur dans cette projection. Également, une chanteuse qui est avec lui sur scène, mais qui avait une voix vraiment très, très grave. Donc, dans cette musique électronique, ça venait un peu se mélanger à la basse et ça donnait vraiment un effet de la voix est égale aux autres instruments, donc on la pousse pas de l'avant du tout. Il y avait vraiment une belle foule, c'était pas complet hier là, au Parc de la Francophonie, mais les gens pouvaient danser. De toute façon, il faisait un peu froid, donc sur les chansons qui étaient peut-être un peu plus house, on a pu justement danser un peu. Il y a eu même un moment de flûte traversière, donc deux soirs en deux de flûte traversière au Parc de la Francophonie, c'est mon record à vie. J'ai jamais autant vu de flûte traversière. Dans un festival d'été en général aussi. Jamais. Dans ma vie et dans un festival d'été. Mais c'était vraiment une belle prestation. Contente d'être là. Il ne parlait pas beaucoup, évidemment. C'est de la musique électronique. Donc, ça se voulait plutôt en continu. On laissait parler la musique. Et c'était pas nécessairement un spectacle qu'on regarde, oui, pour les projections, mais on se laissait aller dans l'ambiance avec cette nuit plutôt fraîche. Moi, je me suis laissé aller regarder aussi les étoiles. C'est ce que je voyais quand j'écoutais l'album. J'espérais ce genre de soirée avec un ciel dégagé avec des étoiles. Donc, je me suis laissé un peu embarquer par Bonobo et je suis quand même contente d'avoir délaissé Neil Young. Mais moi, je l'ai vu. J'ai vu que sa guitare était pas mal usée. C'est ce qu'il faut retenir de ce spectacle, alors, oui. Pour Tania. Mais parlons-en de Neil Young, hein, Jean-Claude. Ben oui, on peut en parler. Mais moi, hier, en fait, j'ai voyagé. J'ai voyagé énormément. Je suis retourné en Turquie en passant par les Pays-Bas. Oui. Parce que ça a été difficile pour moi de ne pas retourner voir Altingen. Et je les aime beaucoup. Vraiment énormément. Quand tu nous en parles aussi. Puis, et donc, je suis resté un bon 40 minutes et j'ai tout modifié mon horaire. J'ai raté Lucas Nelson et Kurt Weill, que je disais que je voulais absolument voir. J'ai quand même attrapé une pièce de Kurt Weill, ma pièce préférée. Mais j'ai voyagé énormément, donc j'ai vu Altingen, encore une fois, superbe performance. Au cœur du fait que les gens étaient là pour ça, on les voyait plus participatifs, danser, très attentifs, et le groupe le sentait. Ils ont vraiment fait une performance qui était encore meilleure que jeudi, et puis ça m'a permis d'enfin mettre la main sur leur album. Bon, c'est un petit aparté personnel. Non, mais quand tu répètes qu'il faut aller voir un groupe généralement, Jean-Claude, tu le fais pas pour tout le monde. Je le fais pour moi. Je me suis rendu sur les plaines pour apprécier, voir et écouter Neil Young. Performance que j'ai fort appréciée, peut-être un peu comme beaucoup de gens, on ne connaît pas tout l'œuvre de Neil Young, mais j'ai apprécié le fait que je ne connaissais pas nécessairement toutes les pièces ou même reconnu toutes les pièces qu'il a jouées, mais sa présence, et il y a vraiment une énergie qui se dégage. Lorsqu'il chante, on sent qu'il chante de tout son corps, bien que ça paraît très simple, mais on le sent au mouvement physique, et bien qu'il le fausse, bien qu'il ne joue pas nécessairement accordé, oui, c'est guitare usée, mais c'est comme mettre des vieilles pantoufles, et il se sentait très, très bien. Il faut dire que c'est son unique date présentement. Le groupe n'était pas rodé. Ils ont eu une première pièce, je crois, pour se stabiliser. Ils ont ouvert des amplis, fermé des amplis, des petits problèmes techniques. Et à la deuxième pièce, c'est parti. Bon, mais j'ai juste vu la première, moi, on s'ajustait. Voilà. Beaucoup de solos, beaucoup de pièces, mais vraiment une très belle performance pour un homme de 71-72 ans. Encore un rocker très important, puis un artiste très pertinent. Donc, une carrière qui s'étire sur plusieurs années. Il sort pratiquement un album par année. Donc, de l'avoir au festival, c'est une superbe prise. J'ai eu la chance de parler un peu au programmateur aujourd'hui en disant, puis ton show Neil Young, ils sont vraiment aux anges. Pour ensuite me déplacer vers Méduse, je suis allé voir une formation qui se nomme Teke Teke de Montréal. Formation qui a fait vraiment le tour du globe pour mon voyage international hier, vu qu'ils font de la musique rock, surf, nippon. Ils reprennent des pièces de surf japonais à leur façon. Ils sont 7 sur scène et, Tania, juste pour toi, j'ai vu de la flûte traversière. En ce moment. La ville de Québec regorge de flûte traversière. C'est une formation montréalaise qui est dirigée par Serge, qui était dans Power Up First. C'est son nouveau projet que ça fait que quelques mois qu'ils ont sorti. Initialement, un projet en hommage à un guitariste surf japonais qui se nomme Terry Takahashi, que j'ai déjà fait jouer à mon émission. Et là, ils sont partis de ce travail-là d'hommage pour composer des nouvelles pièces. Ils ont un EP de 4 chansons. Vraiment à découvrir. Superbe formation. Au début, ils sont instrumentales. Ensuite de ça, vers la fin, les 5 dernières pièces, ils accueillent une chanteuse qui chante en japonais. Un peu crazy, un peu fou. Donc, un mélange de garage, de surf. Ça pourrait rappeler un peu les 5, 6, 7, 8 qu'on a découvert à travers les films de Tarantino. Vraiment super. Ça l'a super bien bouclé ma soirée internationale. Rappelle-nous le nom du groupe. Teke Teke. T-E-K-E. Ouais. Deux points, T-E-K-E. Deux fois. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, Jean-Claude, tu as vu un groupe de Hollandais qui font du psychédélique turc et un groupe de Canadiens qui font du surf japonais. Des Montréalais qui font du surf japonais. J'ai vu aussi un Canadien qui fait du country rock en Amérique du Nord, qui est contre Monsanto. C'est un beau mélange. Là. J'ai bien dormi. Il y avait des belles trouvailles à faire aussi au off hier. Tu fais bien de le mentionner, Jean-Claude, du côté de Méduse. Dernière soirée aujourd'hui, d'ailleurs, si vous voulez y faire un tour, puisque ça se finit demain avec le brunch musical. Harry, tu es bien sage. Oui, je suis tout tranquille. J'écoute. J'hésitais beaucoup hier soir si j'allais voir Neil Young ou pas, mais finalement, j'ai décidé de peut-être regretter plus tard mon choix, mais en ce qui a trait à ma soirée, j'ai été comblé. J'ai commencé peut-être un peu plus doucement. Je suis allé voir Langston Francis, un Torontois qui, de 17 ans, qu'on disait qu'il faisait du hip-hop, jazz, acoustique. Je suis resté sur ma faim côté jazz, en tant que tel. Mais c'est de la pop, hip-hop un peu. Il joue du piano, il s'accompagne, il y a un DJ derrière. Il a un talentueux, mais c'est vraiment un public cible de 10 à 16 ans. Principalement féminin. Puis, tu sais, je veux dire, c'est comme un Jonas Brothers de Torontois, on pourrait dire ça, le look, l'attitude. Beaucoup de talent, par exemple, chante bien, mais c'est pas quelque chose qui m'a fait rester là jusqu'à la fin parce que j'allais voir Map of. En fait, c'est une personne, un Canadien qui fait de la musique. Mais il est tout le temps accompagné d'autres musiciens. Et hier, c'était très, très, très intéressant parce qu'il y avait un claviériste et une personne sur le iPad qui l'accompagnait. Il jouait des percussions. C'est vraiment la première fois que je voyais quelqu'un qui avait juste son iPad en avant, faisait les backs vocales. Ça fait penser souvent à l'instrumentation de Sufjan Stevens. C'est vraiment très ambiant, c'est très atmosphérique. C'était super bien fait. Mais mon Dieu, que les gens étaient là pour Passenger, ils étaient pas capables de se fermer la trappe. Ça m'a un peu gâché le spectacle. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde qui se foutait de lui. Il parlait vraiment fort. C'est le seul point négatif. J'aurais aimé pouvoir profiter de cette espèce de bulle qu'on essaie d'entrer dans, de la musique ambiante, atmosphérique comme ça. T'aimes ça quand on réussit à rentrer dans l'espèce de mood de l'artiste. Ce fut pas le cas pour moi. J'ai pas réussi, malheureusement, à entrer là-dedans, mais les pièces sont excellentes. C'est à écouter, à découvrir en album pour les fans de Bon Iver, pour les fans de Sufjan Stevens. C'est à aller découvrir un bon artiste canadien pour ensuite voir Passenger, Monsieur Rosenberg, que j'adore. Il a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'albums, où ce que ça vient à se ressembler un peu. Donc, j'ai pas écouté toute sa carrière au complet, mais, les grosses tunes étaient là. J'ai surtout apprécié qu'il a fait un cover de Simon & Garfunkel's Sound of Silence. Il a fait Dancing in the Dark de Bruce Springsteen, qu'il avait enregistré pour une émission australienne. Il a fini... Il s'est un peu ri de sa propre pièce, Let Her Go, qui était son succès international, en l'appelant la tune de Frozen, Let It Go. En tout cas, c'était il s'est un peu ri de lui-même, mais il expliquait beaucoup le thème de ses chansons aussi, entre chaque pièce. Beaucoup, beaucoup de parlage, mais c'était justifié, c'était bien fait. Écoute, lui a réussi à faire taire l'impérial. Puis un son pendant une espèce de respire, une pause qu'il a fait, c'était vraiment un silence total. Donc pour ça, ça a été réussi. Et il était seul? Seul, oui. Il fait beaucoup. Ça arrive quelquefois qu'il est accompagné. Majoritairement, il va faire des spectacles tout seul comme ça. Puis ça rend justice à ses pièces. Et j'ai adoré ma soirée. Bref, à découvrir et à redécouvrir pour les gens qui connaissaient pas. Et j'ai fini à la. Dans un endroit qu'il était juste sur le chemin avant de me rendre à la maison au district pour voir du klezmer punk, gypsy un peu. Là, c'est un mélange de musique festive, Europe de l'Est influencée juive. C'est très théâtral comme musique. C'est un peu trop théâtral pour moi. J'aime pas ça quand ça a l'air un peu fake comme ça, l'espèce que Lily parlait hier, un peu clownesque. Quand ça devient trop clownesque, j'aime l'attitude gypsy, mais là, quand c'est poussé à outrance, ça me fait décrocher un peu. Yep. Mais je suis sûrement un parmi peu de gens parce que hier, ça trippait. Tout le monde qui était là dansait, en tout cas. Et c'était une deuxième présence au Festival d'été de Québec, oui. Puisqu'ils étaient là en ouverture aussi, 22h au district Saint-Joseph. Moi, une petite mention, j'étais au théâtre Petit Champlain hier. Je suis arrivée 20 minutes après que c'est commencé. C'est l'avantage avec le laisser-passer. Hein. Mais écoutez, ça vaut la peine, théâtre Petit Champlain. Il y a un entracte pour les artistes présentés. Ah, ouais. Donc oui, ça allonge la soirée. On est facilement là jusqu'à 10h, comme le spectacle commence à 20h. Alani, qui sait tout faire avec sa voix, sincèrement, artiste britannique qui était invité hier avec son guitariste. J'ai passé un grand moment de grâce et d'élégance, donc à ne pas manquer. Un nom encore une fois pour ce que vous allez voir ce soir, Tania, Da Cruz. Da Cruz aussi, je m'en vais sur les hauts carrés de la soirée. Jean-Claude. Loud, Jane Birkin et je termine au off. J'ai triché. Je vais tricher aussi. Da Cruz, Jay Birkin aussi ce soir. On s'en reparle demain, je vous le rappelle, dans Sortie culturelle spéciale, Festival d'été de Québec. Je remercie toute l'équipe avec moi. Demain, invité confirmé, Félix Diot et Sax Machine qui jouent déjà ce soir. D'ailleurs, je vous laisse en compagnie de Michel Gauthier, notre metteur en onde. Là, il va vous occuper jusqu'à la boîte à cassettes à 18h. Sa sélection musicale de Mikey G, on va l'appeler comme ça, en improvisation. Bonne soirée à tous sur les ondes de CKRL. Chanda! Sortie culturelle. Cultural journey. Excursion culturelle. Gita culturale. Sortie culturelle. Que le spectacle continue. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous est présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Sortie culturelle spéciale Festival d'été de Québec vous a été présentée en direct du bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Rendez-vous demain, même heure, même poste. Que le spectacle continue. C'est KRL. À Québec.